Dans les années 90, pour faire une compile, ça se passait comme ça. Un escalier de fer, un couloir étroit et obscur. Maintenant, il y a la playlist. Vos 10 titres cultes en une seule émission. Avec un petit truc honteux à la fin quand même. Voilà. Bon alors, Fox, Kenton, c'est ok. Kikrine, Apollinaire des Musica, c'est fait. Iji et Arnaud, c'est fait. Alors, c'est qui ? Laurent Doucet. Laurent Doucet. Bonjour. Ah, bon. Bon, bah, c'est la playlist de Laurent Doucet. Alors, comment ça va ? Ah bah ça va, je suis content d'être là, ça me fait plaisir parce que dès que j'ai écouté l'émission, je me suis dit ah, tout de suite, je me suis dit mais ce serait bien que tu la fasses celle-là parce que ça faisait très envie et tes premiers invités donnaient encore plus envie après. Et surtout que le premier, il a préparé comme un chacal son truc, je sais pas comment il a fait. Ah oui, effectivement, mais... Je pense qu'il non. Prépare 10 000 fois de plus que moi. C'est clair. Après, il y a eu Apollinaire, bon, il y a eu Kikrine, il y a eu Musica. Bon, alors après, des fois, on écoute et on se dit « Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils écoutent comme merde ?» Voilà, bon, hein. Là, je ne dirai pas qui, parce que voilà, ils se reconnaîtront. Non, mais il ne faut pas, faut pas les juger. On les juge que sur le dernier titre. Le titre d'avant... Voilà. Il y a des fois... Non, alors, ce n'est pas forcément sur la musique, mais des fois, il y a des trucs... Allez, si, j'ai une petite pique, je crois que c'est Musica. Qui nous a dit que le lauréat était un petit film. Et là, tu dis, mais non, Musica, non, c'est pas un petit film, le lauréat. C'est quand même un film très important qui a marqué. Qui est... Voilà. Alors, évidemment, ils sont restés sur les deux New-Yorkais là, qui chantent. Je ne veux plus entendre parler de Simon On en Garfunkel. Parle plus. On en parle j'ai pas. Bouffé un hors-série complet dessus. C'est bon, là, que ça j'ai c'est écouté, fait. Mais qui était bien. Mais alors, je pensais pas qu'il ferait trois. Enfin, voilà. Tu dis, ah, quand même. C'était long. Puis j'aime pas. Ah bon, bref, au moins bon. Ça leur a plu, c'est déjà ça. Et après, moi, ils sont bien amusés à le faire jusqu'à des 2-3 heures du matin, c'est très bien. Oh punaise. C'est ça la playlist. Bon, alors tu vas être avec moi ce soir oui. Pendant au moins une heure et demie, apparemment bah, quasiment 2 heures, vu les titres que tu m'as donnés, pour parler de musique, oui. De styles musicaux et peut-être un peu de ta vie, de ce qui se passe autour. Eh ben oui. Donc, on va commencer dans le vif du sujet. Carrément. Par Jean-Jacques Goldman, tiens en français, tiens Jean-Jacques Goldman, oui. Il suffira d'un signe en 1981 sur l'album Jean-Jacques Goldman. Et en fait non, puisque non. En fait c'est une version live de 1995 au New Morning avec Carol Fredericks et Michael Jones. Je vais te couper souvent. Hein. Le live s'appelle du New Morning au Zénith, donc il y a une partie New Morning qui était une concert acoustique qu'il avait fait, et une partie Zénith, et là c'est la partie au Zénith. Ah donc c'est au Zénith. Voilà. Et là je laisse démarrer. Ah putain. Ah la gratte. Ah c'est Jean-Jacques et Michael Jones, tous les deux d'ailleurs. Voilà. C'est les premiers artistes français dont j'ai été fan, vraiment. J'ai mis des posters au mur de Goldman hein, quand même, hein, faut le savoir. Entre 89 et j'ai dû les enlever pas 10 ans plus tard, mais pas loin quoi. Avant sa retraite quand même, mais il y avait toujours un Goldman derrière une porte, derrière un truc. Et alors, il a plein de choses. La version est un peu particulière parce que non seulement elle est en live, c'est des lives que j'ai vus, mais surtout, il y a, et on va les entendre là, sont les chœurs de l'ex-armée rouge. Et aha. Voilà. Que Goldman a fait venir pour cette tournée-là. C'est la tournée rouge, évidemment, c'est cet album-là. Et ça fait partie aussi de. C'est ça pour ça que je voulais la commencer. Parce que quand tu m'as parlé de la playlist, moi je me suis dit, je vais faire une playlist autobiographique. C'est-à-dire, je vais faire une playlist, une espèce de playlist qui va raconter un peu ma vie. Alors, c'est pas ma vie, mais en tout cas, à certaines époques, j'écoutais des choses et tout a un sens. Et moi, l'engagement politique de Goldman et cette vision-là a un sens pour moi familialement, parce que voilà, quand je suis né, mes parents étaient militants communistes. Donc voilà, donc ça a un sens, ce truc-là avait un sens. Et moi, avec Goldman, c'est aussi par lui que j'ai appris. Je me suis intéressé à la musique, finalement. Enfin, il en fait partie, même si j'avais fait du classique un peu avant. Mais voilà, Goldman m'a aussi appris à comment réagissait la presse. Goldman était très malmené par la presse. Donc, en écoutant un interview, c'est un mec qui est passionnant à écouter en interview, qui est souvent décalé. Alors maintenant, il est en retraite. Bon, j'aime moins ses derniers morceaux qu'il a fait pour Les Enfoirés. C'était pas terrible, je le reconnais. Mais c'est un mec qui a une carrière, moi, que je trouve absolument formidable et voilà, que je continue à... qui reste quelque chose lié à mon enfance, lié à mon adolescence, mais qui est un mec qui m'a jamais déçu et qui n'a jamais trop raconté de conneries et qui s'est jamais compromis dans quoi que ce soit. Et pour finir, si on me demande le chanteur français dont j'aime le plus les textes, c'est pas Goldman. Celui dont j'aime le plus la musique, c'est pas Goldman, mais l'équilibre entre les deux. Des chansons agréables à écouter, et quand on réécoute le texte, on se dit bah j'ai pas eu honte de m'amuser dessus et de chanter. Bah c'est Jean-Jacques qui est quand même au-dessus des autres, quoi. Alors tu me parlais de posters. Oui. C'est vraiment les posters de l'époque où il avait les cheveux longs. Ouais. Un peu avant, un truc là, gris foncé, parce qu'après il a commencé à perdre ses cheveux. C'est aussi une des premières cassettes que j'ai eues, moi, monsieur. Mais oui. Qui était Frédéric Zolman Jones en 91. J'avais le vinyle d'Entre Clair et Gris Foncé, qui était un beau vinyle. Et puis après, en plus, il a eu des CD hyper chelous avec des boîtes en métal, des bouquins. C'est pas Chansons pour les pieds qu'il avait fait ça. Déjà Rouge, c'était une boîte en métal. Son dernier live, il y avait des petites lumières qui s'allumaient quand tu l'ouvrais. Enfin voilà, c'est quelqu'un vraiment qui se faisait chier avec le disque. Alors, c'est quelqu'un qui n'est pas trouvable sur les plateformes de streaming. Ça. Jean-Jacques, les plateformes de streaming, ça l'emmerde un petit peu, donc c'est pas trop son rayon. Après, il est parti au moment vraiment de la mutation du monde de la musique, donc voilà, il était pas trop fan, mais regardez, il y a pas longtemps, il a fait une masterclass en LSACD, la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, où on lui pose des questions, et il est extrêmement intéressant. Voilà, c'est vraiment quelqu'un, moi, que je respecte profondément, alors qu'il est en retraite, c'est mon plus grand drame. Voilà, il a pris sa retraite. Mais à la limite, il a pris sa retraite au moment où d'autres, on aimerait bien qu'ils prennent leur retraite, parce que ça arrive de faire les chansons de trop, de faire les albums de trop. Voilà, il a refait sa vie tranquille dans le sud de la France. Bon, voilà. Mais vraiment, il a compté pour moi, il compte toujours dans ce qu'il dit, dans ce qu'il défendait comme valeur, dans ce qu'il faisait comme chanson. Voilà, c'est un truc, moi j'en ai joué beaucoup à la guitare, au piano, voilà, j'en ai fait pas mal. Mais comment tu l'as, entre guillemets, rencontré musicalement ? Oh, ça doit être, j'ai dû piquer une cassette de mon frère, parce que j'ai un frère qui a 3 ans de plus que moi, qui était, je crois, non homologué, alors qu'une des pochettes les plus moches de l'histoire de la musique, il faut bien le dire. C'est vraiment hideux, si vous voyez la pochette de non homologué, c'est vilain. Où c'était l'époque de... je ne sais plus, c'était pas toi, je pense, c'était... ces tubes. Compte pas sur moi, je te donne. Voilà, c'est un peu l'explosion où j'ai commencé à l'écouter. Et vraiment, 89, entre guillemets, gris foncé avec Puisque tu pars, avec Fille facile, avec elle a fait un bébé toute seule, il changeait la vie. Voilà, des gros tubes. Et c'est un artiste qui a réussi à faire des tubes pendant vraiment très longtemps, quoi. Ils sont pas beaucoup à pouvoir faire ça, voilà. Puis il a fait des tubes pour d'autres, hein. C'est quand même un des artistes les plus vendus à l'étranger, alors évidemment via Céline Dion, parce que voilà, quand il lui a fait Pour que tu m'aimes encore, qui a été un carton énorme. Dieu. Et oui, petite pensée à Apollinaire, il y en aura d'autres, mais pour Céline, alors Apollinaire a quand même sorti le seul morceau de Céline Dion qui n'est pas intéressant, qui est bien avant Jean-Jacques. Hein. Voilà, mais elle a fait... C'est la honte. C'est la honte, donc on lui pardonne. Enfin, voilà, vraiment un chanteur... avec Carole Fredericks qui nous a quittés depuis, malheureusement. Il avait fait un trio qui était vachement intéressant. Voilà, il a fait beaucoup de choses, de la musique de film, il a fait la musique de L'Union Sacrée, alors d'Astérix, c'était moins bien. Il faut reconnaître. Voilà. C'était pas ce qu'il y a de mieux. Non, voilà. Bon. Il y a quelques... Il a deux, trois casseroles, mais qui sont gentilles. Hein, mais voilà. Et je vous recommande aussi de trouver, un jour, il a été reçu par Bruno Robles, je crois, qui est un animateur radio. Oula, de l'énergie, allez. Alors, je sais pas, non, mais il n'y a pas si longtemps que ça, et Bruno Robles lui a passé des extraits de chansons en lui demandant si c'est lui qui les avait écrits ou pas, et il se gourre une fois sur deux. Assez drôle parce qu'il alors il lui passe des bouts, il lui passe pas des refrains, il lui passe des ponts, ouais. Des trucs. Par contre, dans le public derrière, t'as des gens qui répondent sans faute, quoi. Et il a des fans, c'est très impressionnant. Évidemment, moi j'en fais un peu partie, mais il a des fans vraiment impératifs. C'est un mec sur scène qui se donnait. C'est pas un grand chanteur, hein. On va être très clair, c'est pas un super chanteur, mais c'est un mec qui sur scène donnait vachement et c'était vraiment sympa. Voilà, c'est vraiment des spectacles hyper avec enthousiasmant, voilà, avec une ambiance vraiment positive. Voilà, c'était très sympa. On va reparler beaucoup de scènes après dans la suite. J'ai la photo de l'album non homologué sous les yeux, ça pique. Hein, ah, c'est vilain. Oh, ça pique. Ah, là, hein. C'est... Cheveux longs, le mulet, la veste en cuir, le sac à dos. Ah non, merde. Le jean, ah non, je te dis une connerie. C'est pas celui-là. Ah, c'est pas celui-là. Non, celui-là encore, c'est drôle. C'est le look, mais c'est 80. Non, c'est positif. Et c'est la cassette que j'ai eue, c'est celle d'après, c'est positif. Et alors là, je te jure, tu vas chier ta mère. Pardon. Oh, pardon. Là, tu vas pleurer parce que positif, c'est vraiment vilain, vilain. Voilà. C'est le Photoshop avant Photoshop, voilà. Oh là là là, voilà. Là, là. Ça, les cheveux. Les cheveux, le découpage approximatif, la ville au fond et tout. Il était assez moderne parce qu'en 81, il suffira d'un signe, son premier tube, il avait déjà des batteries un peu électro. Il avait déjà un truc. Alors, ça devait être un casse-couille à travailler parce que. Il savait ce qu'il voulait, il ne se laissait pas emmerder. Enfin voilà, c'est quelqu'un, à mon avis, très particulier. Il ne voulait pas se laisser embêter et du coup, il a toujours fait à peu près ce qu'il voulait, à peu de choses près. Mais... Quand je vois positif, c'est on veut le moi quand même. Ah oui, non mais. Encore un matin, ton autre chemin, Long is the road. Américain. Ah non, non, c'est tout à fait. Ah, voilà, ah, après, il a aligné tube jusqu'à Rouge. Chanson pour les pieds est un truc qu'il voulait faire lui, qui a moins fonctionné, son dernier album. Enfin, moins fonctionné. C'est tout relatif, hein, mais avec Ensemble, qui était le morceau. Mais le truc, c'est qu'il faisait des morceaux tellement différents, il se faisait plaisir avec des espèces de morceaux de danse très particuliers, qui fait que les fans aiment moins en général. Moi, je l'aime bien. Celui que les fans aiment beaucoup, c'est juste avant, qui s'appelle En Passant, qui est très intimiste, très acoustique, où il y a Bonne Idée, Sache que je, On ira. Qui sont des trucs bien calibrés, très bien faits, alors qu'il est un album de divorce, hein, parce qu'il ne parle que d'amour malheureux, alors que le suivant, il s'est remarié, donc il est tout content, parce qu'il s'est remarié avec une fan qui avait une trentaine d'années, quand lui en avait déjà 5 ans, une cinquantaine bien tassée. Il a refait des bébés, parce que vous connaissez évidemment, il a eu 3 enfants de son premier mariage, vous connaissez Michael Goldman, qui a fondé My Major Company. Voilà, je voulais justement y venir, c'est que c'est intéressant de voir que le père ne va pas du tout sur les plateformes de musique en ligne, alors que le fils, tu as lancé My Major Company. Alors c'est le fils qui a lancé Grégoire, qui a fait un duo avec Goldman, donc t'es pareil, pas dans les mémoires. Mais oui, mais il a un fils qui est intéressé. Alors je sais pas trop ce que font les autres enfants, mais il a un rapport. C'est un mec d'un naturel, mais excessif quasiment, dans le rapport au non star system, au non, enfin voilà, c'était une époque. Il y a une époque avec Berger, Balavoine. C'est des mecs qui étaient beaucoup plus simples et qui ne rentraient pas dans un star system comme rentraient les Johnny, même les Eddie Mitchell. Moi, bon, je suis méchant parce que Eddie Mitchell n'a pas une vie de ouf, mais ils étaient plus dans le côté rock et tout. Là, on avait des mecs des années 80 qui étaient beaucoup plus simples, souvent engagés. Avec Souchon. Avec Souchon, tout à fait, vous le dites. Voilà. Des mecs tranquilles, quoi, voilà. Donc ça fait partie, moi, des valeurs qui m'ont. En plus de celles données par mes parents, évidemment, mais qui m'ont construit dans le monde de la musique. Je te dis, le rapport à la presse, c'est génial parce qu'il se fait démonter par la presse quand il a du succès. La presse continuera à raconter des conneries sur lui, mais tout au long de sa carrière, même jusqu'au moment de Dion dans les années 2000, à chaque fois que tu l'écoutes, enfin, il les défonce avec une joie en interview, c'est du bonheur, quoi. Donc voilà, donc c'est un personnage que j'aime bien et c'est d'une musique que je continue à écouter de temps en temps. Il y a des périodes où j'écoute un peu moins, puis j'ai des périodes où je me remets à écouter ça avec plaisir. Mais c'est le seul artiste français comme ça qui t'a touché à l'époque ? Enfin, vraiment touché à ce point-là ? Ouais, à l'époque, oui, je pense, parce que je suis passé un peu à côté de Balavoine. C'était un peu plus tard. Et le truc, c'est qu'au bout d'un moment, en 80... Donc j'ai commencé à écouter Goldman en 88, je disais, 86, 80, 87 plutôt. 89, 90, 91. Et 91, même si je continue à écouter Goldman, je commence à me tourner vers le rock. Et donc, j'abandonne un peu les artistes français, même si je continue à aimer la chanson française. On en retrouvera pas mal au long de la playlist. Mais de l'époque, oui, c'est vraiment lui. Voilà. Moi, les années 80, je suis plus un enfant des années 90 que des années 80. Donc, les années 90, pour moi, vont être très rock, beaucoup plus rock que de la chanson française. Plus rock et pas dance du tout. Ah là, moi c'est la plaie ça. Ça moi c'est, oh ah, c'est une horreur. Moi c'est un truc que j'ai vécu. On en reparlera tout à l'heure, mais j'ai vécu moi l'époque où vraiment l'explosion des Corona, des galas, des je sais plus quoi. Enfin, on avait une espèce de flow de dance. Moi, mon ambiance musicale c'était le Hit Machine. Pas moi la mienne. Hein. Je vivais à contre mon gré dans une ambiance musicale qui était le Hit Machine. Pour les plus vieux d'entre vous, c'est Charlie et Lulu, c'est cette ambiance-là. C'était un calvaire terrible. Moi, j'ai des souvenirs de Boom, on va parler de Boom, parce que j'étais en troisième, où on supportait ça, parce qu'on essayait de se dire, ah, peut-être qu'on va avoir des gonzesses, voilà, hein, on va être très clair. Hein. Mais c'était un calvaire de supporter ça, quand moi, j'étais déjà rock, et déjà en 91, j'étais même plus que rock, j'allais un peu plus loin, mais je ne vous spoil pas, parce que c'est la suite. Enfin, ça va être pas la suite. Justement, la suite, on abandonne la dance. J'espère qu'on y reviendra pas pour un certain titre. Je ne comprends pas d'ailleurs cette nostalgie qui pour l'instant n'est pas trop revenue, c'est étonnant, mais les années 80 ont été revenues en force. J'ai pas l'impression qu'il y ait eu un retour de la dance, si quand même j'ai raté des trucs, si ils nous font chier. Absolument aucune idée, c'est pas moi qu'il faut parler musique. Donc on va revenir de la vraie musique, du rock, avec Eric Clapton, un monsieur avec une certaine guitare je pense. Change the World sur l'album Phenomenon de 1996, et non. En fait, puisque c'est une version live au Madison Square Garden de 1999. C'est ça, exactement. J'ai eu bon, merci. If I could reach the stars, I'd pull one down. Alors, Eric Clapton, époque rock. Ouais, alors, Clapton, c'est un lien avec papa, parce que papa est un fan de rock. Papa fait du rock dans les années 60. Donc, il aimait Clapton, il aimait d'autres groupes dont on parlera après, mais... et surtout, c'est une époque où moi, je me mets au rock, je me mets à la guitare, à la basse, puis à la guitare. Et ce mec-là est un... feeling terrible, évidemment. C'est un mec qui crée des chansons magnifiques. Vous entendez un petit saxophone, parce que sur ce live, il a son copain saxophoniste, dont je retrouve pas le nom tout de suite, mais c'est pas grave, qui est le monsieur qui fait le saxophone de la bande son de la bande originale de L'Arme Fatale. L'Arme Fatale, c'est Michael Kamen, Eric Clapton et... ça me reviendra, mais c'est pas grave. Et ce saxophoniste-là. Voilà. Et puis à un moment où j'écoutais un peu moins Clapton et je l'ai redécouvert sur ce live qui est un live au profit caritatif pour un centre de désintoxication, parce que Clapton il a une vie un peu houleuse, il a beaucoup bu, il s'est beaucoup drogué dans une époque c'était les 60s, les 70s, les années 70-80. Et puis à un moment il a plongé, alors il a perdu son fils qui lui a donné une très belle chanson malheureusement qui s'appelle Tears in Heaven. Son fils il était chez Clapton et son fils s'est défenestré, enfin il a pas sauté, il est tombé de la fenêtre. Et le premier live de Clapton après le décès de son fils, c'est l'Unplugged. Donc a une portée émotionnelle très particulière, mais voilà. Mais c'est surtout un mec que j'ai vu en concert plusieurs fois. Bobby Key, c'est le saxophoniste des Stones. Je retrouverai, c'est pas grave. Ce live là, il y a un feeling, il est super bien entouré. Il y a Bob Dylan qui a l'air complètement HS à la fin. Il y a Sheryl Crow qui était ses copines à l'époque. Donc voilà. Et c'est surtout un mec qui fait des chansons magnifiques, qui fait des reprises de blues absolument somptueuses. Donc voilà, Et quand moi je l'ai vu en live, il a un toucher de guitare qui reste inimitable. Et voilà, c'est du British blues, voilà, c'est du blues anglais, parce que c'est sa particularité. Et puis avec quand même de la, un peu de pop. Il y a un côté pop dans certaines chansons de Clapton, dont celle-là, qui est aussi une bonne originale d'un film avec John Travolta, je crois. Travolta, qui est pas fou non plus. Donc voilà. Donc comme tous les guitaristes, on s'est essayé à faire du Clapton, mais. Alors, vous entendez que c'est pas évident. Ça, ça s'appelle jouer d'un instrument. Moi, je l'ai vu. Alors, j'aurais pu vous sortir des gros tubes de Clapton, mais c'est aussi drôle de découvrir des chansons un peu moins connues. Moi, je l'ai vu à Bercy en 2006. Il y a un moment, il fait un bend de guitare, donc le fait de monter la note avec la guitare, avec le doigt, et il redescend petit à petit, mais vraiment avec une précision. Et je te jure, j'ai entendu une partie de la salle faire oh! comme ça. Et tu sais que c'est tous les guitaristes de la salle qui ont fait putain, c'est pas possible quoi. On rentre, on jette nos instruments, il y en a marre quoi, c'est pas possible. Donc voilà, il a cette magie là et ce feeling là. Il commence à être plus très jeune, mais il a ressorti un album il y a quelques mois, je crois. Pareil, tu l'as connu même un peu que Goldman ou juste après? Ouais, un peu dans la période. Là, c'est vraiment des truc que mon père écoutait. Mon père écoutait Cream, mon père écoutait Clapton tout seul. Voilà, mais il y a une espèce de redécouverte début 2000. Quand je fais de la musique, quand moi je fais des reprises, 92, c'est la sortie de l'Unplugged, donc dans ces eaux-là où on vraiment, d'un coup, je m'y remets et je réécoute. Et après, il est toujours là, voilà, dans les classiques. Je connais moins son dernier album, mais dans les classiques, il est toujours là. Parce que ça. D'abord, il est très bien entouré, c'est que des bombes autour, les mecs, c'est des musiciens de ouf. Et c'est un truc où, voilà, non, c'est de cette époque-là, voilà, et ça reste une référence rock que j'aime beaucoup. Un rock un peu pop, voilà, c'est un rock. Clapton mélange un peu tous les styles, il fera même un peu de reggae, il reprendra I Shot the Sheriff, évidemment. Donc, il fait un peu de tout, et c'est le plaisant, mais c'est surtout le British Blues, voilà ce qu'on appelle le blues anglais des années 60-70. Et puis, dès que tu lis, moi j'ai lu son autobiographie, évidemment il va croiser, faut imaginer que les mecs à l'époque allaient dans les bars en 65-66, dans les bars anglais, dans les pubs anglais, et les mecs, t'avais Jagger, t'avais Clapton, t'avais Hendrix, t'avais... Enfin, c'est vraiment ce qu'on appelait Swimming London, c'était une explosion. Il y a de quoi de rendre nostalgique parfois de cette période, des périodes comme ça aussi créativement folles. Clapton a croisé d'ailleurs, il a partagé pour l'anecdote, il était dans un groupe qui s'appelait John Mayall et les Blues Breakers. Et si ma mémoire est exacte, à un moment, il est remplacé par Jimmy Page. Voilà. Donc voilà, c'est toute cette époque anglaise qui va exploser à ce moment-là. Alors, tu commences par du rock anglais, pas du rock américain. Non, comment ça se fait, ça? Parce que papa écoute les Stones. On parlera, je vous ai spoilé, mais papa écoute les Stones, papa écoute beaucoup plus du rock anglais que le rock pionnier. Moi, je suis moins rock pionnier. Ce qu'on appelle le rock pionnier, c'est Elvis, c'est Chuck Berry. J'aime la façon dont les Anglais l'ont transformé. C'est très drôle parce qu'ils se racontent, alors je ne l'invente pas, hein, c'est pas moi qui ai... Que le rock pionnier, effectivement, c'était soit des Noirs américains qui étaient dans le blues, c'était des Noirs américains qui étaient dans une maltraitance, dans le coton, dans le truc. Enfin voilà, s'ils ont fait le blues, il y a une raison, ils n'ont pas fait du zouk, hein. Ils ont fait du blues. Hein. Il y a bien une raison, ils étaient malheureux. Enfin voilà, la condition était très difficile. Que les petits blancs à la Elvis ont repris. Alors eux, ils avaient juste l'envie juste de tenir la main à leur copine ou de défier la mort dans la voiture de papa. Enfin voilà, c'est une espèce de petite révolution un petit peu gentille. Quand elle arrive en Angleterre, c'est des gamins, c'est des pauvres, c'est des fils d'ouvriers. Enfin, il y a une espèce de révolution qui va aboutir aux années 70 avec les cheveux longs et tout. Mais voilà, il y a une révolution qui est plus forte, qui va être plus folle en Angleterre. Donc voilà, et c'est vrai que j'ai une petite préférence pour le côté british dans pas mal de trucs. J'aime bien les Américains, mais il y a des choses où, sur le blues, sur les choses comme ça, j'adore quand il est transformé entre guillemets par les Anglais. Après, il faut se pencher sur l'origine, sur les Johnny Hooker, sur les blues. Vous regardez les Blues Brothers, voilà, vous avez un truc où d'ailleurs Clapton est dans le Blues Brothers 2000. Là, vous avez un ressenti de la musique très américaine, quoi. Alors, il paraît qu'on le surnomme Slow Hand. Oui, parce qu'il avait. T'as toujours l'impression que ça a l'air facile. C'est la main lente. C'est pas un guitariste énervé. Voilà, c'est une espèce de guitariste hyper cool. Hyper. Voilà, c'est pas un guitariste C'est pas Hendrix, voilà, qui était très flamboyant, qui avait son génie, évidemment, mais c'est plus... voilà, les racines blues de Clapton, elles sont là. Faut le voir. Alors, par contre, quand on aime Cream, qui est le super groupe qu'il avait fait avec Ginger Baker et Jack Bruce, ils se sont reformés en 2005. Faut les voir, il y a un DVD très bien où ils retravaillent, où ils sont que trois. Et vraiment que trois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres musiciens et tout. Et c'est très important. Oui, oui, c'était le slow end. Il y avait même des, une époque où en Angleterre, était il y avait des tags Clapton is God. Voilà, tellement il y avait cette aura terrible. Alors les guitaristes un peu furieux vont dire « Ouais, c'est facile et tout ». C'est le feeling. C'est pas difficile. Enfin, c'est pas difficile. Il va pas à 100 à l'heure, quoi. C'est pas un shredder, c'est pas le méchant du Tortue Ninja, c'est un guitariste de métal qui va très vite. C'est pas des mecs comme ça, hyper techniques. C'est un mec, par contre, qui a un feeling, c'est-à-dire que la note, elle va être exactement là où il faut. Ça va être la bonne idée, ça va être le bon truc, le bon... Voilà. Il y a un feeling qui est plus fort que le reste. Et au final, tu t'es lancé là-dedans, surtout dans le rock anglais, ça t'a jamais quitté ? Non, je continue à en écouter. Souvent, alors j'ai eu du mal à découvrir parfois. C'est plus difficile quand plus on vieillit, plus c'est difficile de découvrir les nouveaux groupes. Moi j'essaye, en plus je suis passionné de plein de trucs, donc découvrir des nouveaux cinémas, des nouveaux groupes, des nouveaux. Enfin, c'est parfois difficile de se tenir au courant. Et puis en ce moment, moi je suis pas quelqu'un qui dit qu'il se passe plus rien, que tout a été découvert et tout. Faut être vigilant à ça parce que c'est pas vrai. Toutes les époques on dit ça, voilà. C'est comme quand on vous dit aujourd'hui on écoute que de la merde. Vos parents écoutaient de la merde, hein. Vos parents écoutaient les yéyés, pour ça, pour les gens qui ont presque 40 ans comme moi, vos parents écoutaient les yéyés, c'était de la merde. On a parlé de la dance tout à l'heure, les gens qui écoutaient de la dance, ils écoutaient de la merde. Il y a toujours eu majoritairement de la merde. Le grand public a un goût de merde très souvent. Le grand public, hein, le large public. Aujourd'hui, il n'y a plus de charts, il n'y a plus de top 50. C'est YouTube, conclusion, c'est psy. Voilà, bon. Hein. Mais il y a toujours eu à côté des choses. Je ne l'ai pas mis dans la playlist, mais j'aurais pu. Tiens, je fais ça. Là, on n'a pas le droit. Non mais oh, il y en a 5 derrière qui ont essayé de m'arnaquer des trucs. Non mais quand un groupe comme Rage Against the Machine arrive, il y a une vraie révolution. C'est dans les années 90, tout d'un coup on n'avait pas entendu ça avant. Quand Prodigy arrive plus tard, il y a une révolution. Donc il y a en permanence, il y a un renouvellement de la musique tout le temps. Quand les Black Keys, quand Jack White et les White Stripes arrivent, il y a quelque chose... Ça reprend des choses avant, évidemment, mais ça mâchonne et ça recrache des choses et ça redonne des choses différentes. Donc voilà. Même si plus on prend de l'âge, plus on reste quand même sur des trucs qu'on connaît et ça fait plaisir quand même. Alors le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ils vont bien. Enfin, on peut écouter les albums, ça, on a de la chance. Mais ils commencent tous à prendre leur retraite doucement, voilà, quand même. Je sais qu'on est en 2016, la faucheuse est passée beaucoup trop cette année. Oh putain, année, ça fait mal. On va se calmer. Ouais, quand même. Deuxième live que tu nous proposes. Oui, oui, il y a du live. Très très live ou tu as trop écouté les albums classiques? Non, c'est que je trouve que souvent c'est les versions plus intéressantes. Voilà, souvent il y a un petit truc en plus. J'aime beaucoup les albums, mais voilà, là, je me suis fait la réflexion en revoyant la playlist en me disant que oui, il y a du live, mais il y a c'est souvent amené des trucs différents, des sons un peu différents. Puis parfois, ça modernise aussi. Le problème d'un album, quand il est fait en 80, je pense à Goldman, quand il est fait en 86, bah, il sonne 86, quoi. Donc des fois, c'est un peu moins sympa. Je suis un peu dur, mais ça sonne tout de suite typique. Et parfois, ça peut nuire un peu à la chanson parce qu'on va d'abord s'arrêter au comment ça sonne avant de se poser la question si la chanson est bonne ou pas, quoi. C'est pas compliqué, de toute façon, on va continuer dans le rock britannique, un peu comme d'habitude. Ah bah oui. Avec les Rolling Stones. Ah, c'est... Tumbling Dice sur l'album Shine a Light de 1972. Et non, toujours pas, c'est toujours une version live au Beacon Theatre en 2006. Oh, Martin Scorsese. Quand même, c'est pas de la merde. Comment ça donne envie de bouger, quoi. Et pourtant, c'est pas la plus énervée. Alors, pourquoi les Stones ? Parce que papa. Après Clapton. Toujours papa. Ah, toujours papa. Voilà. Donc c'est grosse influence de papa et de sa connexion de disques. Bah sur le rock oui, parce que papa a beaucoup écouté de rock. Maman a été beaucoup plus dans la chanson française et toute la partie chanson française que j'ai, maman écoutait Barbara, écoutait Brel, écoutait Brassens, donc voilà. Moi je suis au confluent des deux, ce qu'on est souvent, hein, mais voilà. Mais les Stones, j'ai vu les Stones moi en live. Il m'a manqué qu'un concert depuis 92. Voilà. Depuis leur retour sur scène en 92 avec Steel Wheels, je n'ai manqué qu'un seul concert. Ça marche, on peut appeler ça un fan. Ouais, ouais, vraiment. Alors, c'est les concerts en stade. C'est-à-dire que le premier concert de ma vie que j'ai fait, c'est le Parc des Princes. Voilà, c'est très particulier, c'est très grand. C'est pas des conditions. Le dernier que j'ai fait, c'était le Stade de France. Je l'ai fait plusieurs fois. C'est le seul moyen de m'emmener au Stade de France, hein, parce que tout ce qui est football ne m'intéresse pas. Ni rugby, ni quoi que ce soit. Alors après, on va me dire, ouais, c'est pas des concerts géniaux, l'ambiance. J'y vais pas comme un concert, j'y vais comme à la messe pour voir les Stones. Ah oui. Ça veut dire qu'on est tous en train de communier, on est tous en train de... voilà, pour vous dire l'anecdote, dans le dernier concert, j'étais en deux sur la pelouse parce que c'est mieux, c'est plus sympa. Je les ai très peu vus parce que j'ai vu des écrans, mais eux, en vrai, je les ai peu vus. C'est le meilleur concert que j'ai jamais vu. Parce qu'on était vraiment hyper, assez serrés, c'est pas insupportable, et on était tous dans le même truc, quoi. On est vraiment... Il y a un côté messe, je trouve pas d'autres mots, parce que voilà, c'est... Et alors... Ça va me permettre d'aborder un point qui va faire grincer les dents, mais voilà, je suis Stone, donc évidemment, parce que la logique c'est ça, je ne suis pas Beatles. Je n'aime pas les Beatles spécifiquement. Harry Walter Frouf. Voilà, alors c'est pas. On a déjà eu le débat avec Walter plusieurs fois, avec d'autres. Alors d'abord, les Beatles font de la pop, les Stones font du rock. Donc le point fondamental il est là. Donc fatalement, quelque part, ils font pas complètement la même musique. Après, je trouve qu'il y a une vibration, il y a une sensualité, il y a une sexualité, il y a une ambiance dans la musique des Stones que je ne trouve pas dans la chanson des Beatles, que je trouve gentille et mignonne, même si elles sont très bien écrites souvent, je trouve gentille et mignonne. Et puis après, je trouve les Stones beaucoup plus intéressants à écouter, je trouve les interprétations plus intéressantes. Alors, ils ont eu le temps, hein, parce que voilà, que les versions des Beatles sont généralement que je trouve un peu pénibles. Mais voilà, après, Mick Jagger est un chanteur et un mec qui a un charisme sur scène qui est fou. Keith Richards, c'est le rock'n'roll. C'est-à-dire que le mec, c'est l'excès, la nonchalance. Enfin voilà. Je crois qu'avec Mick Jagger, ils ont pas tourné qu'à l'eau. Hein. Oh là là, non, ils ont pris des trucs. Enfin, j'avais vu tourner des images sur le net qui disaient à chaque fois que vous fumez, Dieu vous prend un an, il le donne à Keith Richards. Voilà. Bah oui, parce que Richard, il a fait courir des bruits, l'histoire de changement de sang et tout, mais voilà. Alors, toute cette légende, toute cette aura, avec des films interdits, avec un concert avec un mort quand même, enfin voilà. Merde, attends, je suis en train de regarder Keith Richards, 72 ans. Hey, oh putain. Rock, papy, rock. 43. Non, et voilà. Et le truc, c'est que derrière ça, il y a des chansons de ouf. C'est-à-dire que le binôme Jagger Richards fait des chansons qui vieillissent pas, qui ont marqué. Il y a des tubes, il y a Satisfaction, il y a Jumping Jack Flash, il y a Brown Sugar, il y a beaucoup de tubes, mais des chansons comme Tumbling Dice qui sont un truc un peu d'ambiance. J'avais parlé un jour dans un WAPEX de ça y est, j'ai oublié le morceau évidemment, Gimme Shelter, qui est un morceau magnifique, Painted Black, voilà, il y a un nombre de morceaux de ouf qui taillent dans toutes les directions. Je trouve à toutes les époques, moi, ils ont, voilà, Jagger a su se renouveler, et Richards aussi. Mais ils ont su chercher dans plein de directions, et c'est un groupe voilà, qui est fort et qui en live est ouf. Voilà, c'est un truc de, c'est des mecs qui arrivent à lever des stades, quoi. C'est des, ils sont pas beaucoup, on en verra un autre tout à l'heure, mais alors moi j'ai vu les concerts des Stones, un concert sur deux, il y a un guitariste qui est bourré, c'est jamais le même. C'est-à-dire qu'un coup c'est Richards qui est bourré, un coup c'est Ron Wood. C'est-à-dire que j'ai vu vraiment des concerts où les mecs ils jouent à côté, hein, carrément. Alors eux ils sont, il y a un pianiste, une section cuivre, un autre guitariste derrière, une basse batterie qui bouge pas, donc ils peuvent faire les cons devant, c'est pas grave. Les guitaristes disent que Richard c'est le meilleur mauvais guitariste du monde. Voilà, c'est comme ça qu'il est un peu défini, mais il a inventé des trucs. Donc c'est voilà, et c'est un espèce d'esprit rock avec vraiment quelque chose, et l'osmose entre les musiciens est juste magique. C'est vraiment quelque chose de fort. Et effectivement, Shine a Light, filmé par Scorsese, jetez-vous dessus parce que c'est plus qu'une captation de concert, parce que c'est magnifique, parce que voilà, après il y a des captations de concert, il y en a pas mal, mais voilà, faut voir, les Stones ont chanté à Copacabana, la plage était noire de monde, ça veut dire qu'il y a plus d'un million de personnes, enfin c'était un truc de malade. C'est devenu un phénomène énorme, mais faut pas oublier qu'au cœur du truc, et moi c'est toujours ça, c'est la chanson, c'est le riff, c'est le truc où qui te fait bouger effectivement, qui est, voilà, c'est ça. Et le cœur, je pense, moi, le, je sais pas qui disait ça en disant que c'est, il y a, on se pose pas la question de qui fait, mais c'est la bonne chanson, le cœur de la chanson, parce que ce qu'on écoutera ce soir, à exception près, c'est des chansons de 3, 4, 5, 6 minutes. C'est de la chanson. Le cœur, c'est ça. C'est le riff. C'est... Alors, ce que ça raconte, j'avoue que moi, en anglais, j'ai un anglais conversationnel de base, je suis incapable d'écouter un morceau anglais et de dire de quoi ça parle. J'arrive pas à me concentrer sur, la, sur l'anglais quand je l'écoute. C'est pour ça, par exemple, j'aime pas, je suis moins sensible au rap américain parce que, d'abord, je suis moins sensible au rap parce que moi, je suis rentré dans le rock et puis que j'en suis jamais sorti. Il y a des morceaux de rap que j'aime bien, mais c'est pas ma culture de base. Et le rap américain, je comprends rien. Et quand on comprend pas, ça m'ennuie. Et même les paroles des Stones, il y en a 80% où moi, je suis pas penché sur ce que ça voulait dire. Hein. Souvent, il y a des petits trucs rigolos. Alors, quand je penche dessus, je comprends. Il y a un truc qui s'appelle Sympathy for the Devil, qui est évidemment très intéressante, qui est un appel au diable tout au long. Il y a des choses... souvent les paroles sont pas inintéressantes. Jagger, c'est pas un grand poète, mais c'est soit très barré, soit c'est très très drôle, voilà. Mais j'avoue que moi c'est pas ça qui me, je suis pas sensible à ça. C'est plus le jeu, peut-être la musique elle-même, ou même peut-être la guitare que t'as voulu reproduire plus tard. Ah complètement, c'est le riff quoi, c'est vraiment le truc, le riff quoi, le petit morceau de guitare qui pète et qui envoie et qui fait bouger, voilà, c'est vraiment ça qui me plaît dans ça. Et ça t'a suivi depuis ton enfance. Bah depuis 80, donc moi je suis né en 78, hein, c'est pas un scoop, donc depuis 80, voilà, c'est juste depuis 80, voilà, premier concert avec papa, 92, voilà, où là ça m'a jamais lâché, donc un peu après Goldman, pas tout de suite, voilà, au moment de l'adolescence, hein, c'est con à dire, mais voilà, il y a des potes qui, pourtant à l'époque, il y avait moyen de se mettre au hip-hop et au rap parce que c'était l'arrivée d'NTM, c'était l'arrivée d'IAM et tout. Moi j'étais musicien parce que j'ai fait de la musique classique avant, puis après je me suis mis à la guitare. Donc le rap, quand t'es musicien, ça t'intéresse moins forcément parce qu'il y a moins à faire. Il y a une très belle construction musicale, ça ne se joue pas ou de manière très différente. Donc quand t'es musicien et quand t'es un peu, notamment quand tu fais de la guitare, bah, moi je me suis mis au rock. Et même à plus que le rock, parce qu'à un moment, voilà, quand on s'énerve et qu'on est adolescent, qu'on n'est pas content, que la vie est moche, parce que pour un adolescent, la vie est moche, il a raison, et ben on s'énerve et on fait plus que du rock des fois. On fait pire que du rock. Ouais. On fait un opéra rock. Et là, c'est encore pire. Parce qu'on va continuer. Alors là, on retourne en France. Eh oui, parce que le texte est très important pour moi quand même. Parce que j'aime que les chansons racontent quelque chose. Et alors, l'idée un jour de tomber sur un truc qui est une histoire complète à base d'un album, ouais, c'est super. Alors évidemment, vous en doutez, opéra rock français, on va s'écouter ce soir. Il n'y en a pas 30 000, hein. Non. Ce soir, on danse au Naziland de l'opéra rock Starmania version studio Mogador en 1994 par Jasmine Roy et Franck Sherbourne, je crois, si je ne me trompe pas. Attention, ça chante haut. Et ça sonne 90, hein. Ah, ça pique les 90. Ah, c'est beau, quoi. Et là, c'est un garçon. Voilà. Bon, ça, c'est une fille, ça. Mais voilà. Bon, alors. Après du rock, alors, bien violent, Starmania. Bah oui, parce que Starmania est très rock, hein, quelque part. Voilà. C'est presque un peu la logique de du croisement des deux. On danse. Voilà, excusez-moi, je chante parce que c'est un réflexe. C'est Michel Berger, évidemment, qui est derrière Starmania. Et moi, ça, c'est une découverte. Alors, Starmania, je connaissais comme tout le monde quand on arrive en ville. Des tubes SOS Intérieur Détresse, quelques tubes Les Uns Contre Les Autres que chantait Fabienne Thibault, qui a repris Morane plus tard. Mais l'opéra rock en lui-même, j'ai découvert plus tardivement, et notamment cette version de là, 94, où il y a un bassiste génial, qui est un gros bassiste chauve qui accompagnait Michel Berger souvent, qui donne cette espèce de groove au truc. Et c'est vraiment un choc. Et des amis, je pense pour mes 18, 19 ans, un truc comme ça, vont m'offrir le spectacle en 98. donc pour mes 20 ans, pardon. Et c'est le premier, la première comédie musicale comme ça que je vais voir. Et c'est absolument génial de voir une histoire racontée, des chansons, des tubes, voilà, qui sont. C'est pas ma comédie musicale préférée. On verra ça tout à l'heure. Mais. Oh, mais faut rater le teasing là, c'est bah, bon. C'est pas bien. Oh là là. Mais c'est un truc que je trouve très fort. D'abord, c'est très marrant parce que ça parle de terrorisme, d'un homme qui devient tout puissant, qui se fait élire président de l'Occident, qui veut lutter contre les envahisseurs de l'extérieur de l'Occident, c'est de pollution. C'est extrêmement moderne. Ça veut dire que quand il fait ça avec Plamondon en 79, c'est extrêmement moderne. Ça n'a pas trop bougé. Des délinquants, des choses et tout. Et c'est une musique qui marche, du Berger, ça marche très très bien, c'est des rythmiques qui fonctionnent. Et de savoir qu'on peut raconter des choses en français. Et moi, ça a toujours été un truc qui m'a plu. On parlait de Goldman au début. Goldman, il y a des thématiques, mais c'est pas un chanteur social, Goldman. C'est pas un chanteur à texte, comme l'a été Balavoine, qui a fait partie de la première troupe de Starmania. C'est des chanteurs où tout d'un coup ils racontaient des choses sur la société et Starmania en fait partie. Alors c'est extrêmement raconté dans des. C'est fait de style énorme, mais il y a un moment où je pense que moi le plaisir du texte il est là, dans le plaisir de raconter des histoires qui peuvent être parfois faites en 3 minutes et puis parfois faites en 1 heure et demie comme Starmania. Et donc j'ai jamais compris, moi les groupes de français qui chantaient en anglais ça m'a toujours gêné. C'est très chauvin comme réflexion, mais je trouve que. On peut raconter des choses en français, c'est possible de faire des jeux de mots, c'est possible de faire plein de choses et c'est vraiment, vraiment réussi. Et Starmania va être remontée parce que la comédie musicale a 40 ans, donc elle va être remontée l'année prochaine, en 2018 plutôt, je crois, j'ai un doute. Voilà, pour les 40 ans, ils vont remonter la comédie musicale, donc je serai là évidemment, parce que ça m'intéresse beaucoup. Mais voilà, donc c'est un truc qui m'a marqué. Et puis j'ai rencontré des potes comme ça qui aimaient ça aussi, qui aimaient cette variété là et qui aimaient ce côté opéra rock. Mais d'où ça t'est venu ça? Juste parce qu'on t'a offert la place? Alors Starmania, je pense que c'est l'écoute de Berger. Je pense que c'est Salouette Mathieu, je pense, qui est un copain à moi, avec qui je fais de la musique aussi maintenant, qui m'a fait écouter la version 98 de Starmania. Voilà ce qu'on a entendu, la version 94, 98, enfin il y a plusieurs noms, mais peu importe. Et tout d'un coup, ça m'a vraiment plu. Je connaissais l'album d'origine, mais j'avais jamais entendu ça avant qu'on me l'offre. Comme un opéra rock. Et de l'entendre, ça m'a vraiment donné envie de le voir, le spectacle. Et puis après, voilà. Donc ça a été une découverte à ce moment-là. Je savais que ça existait. Les opéras rock, il y en a un autre qui s'appelle Tommy des Who, qui a été adapté au cinéma et que j'ai vu aussi, mais qui était beaucoup plus barré. Mais voilà, c'est un truc où c'était un des premiers contacts que j'ai eu. Je pense que c'est Mathieu qui m'a fait découvrir au moment où je rentre en fac de musique en 97-98 cette version là. Tu as dit que tu aimais bien les albums, mais en plus le côté live de la musique te plaisait beaucoup plus intéressant. C'est pas ça aussi qui t'a amené à la comédie musicale? Si. Du live tout le temps, de la musique un peu différente tout le temps? Ah si quand même. J'ai une grosse période où j'allais très régulièrement en concert. Je pense que des artistes se découvrent en concert. Alors il y a des exceptions, il y a quelques artistes. Je vais prendre un exemple que tout le monde connaît, qui est Trent Reznor, Nine Inch Nails, ou qui fait maintenant des musiques avec pour David Fincher, si je me trompe pas, pour Millennium, pour les derniers films de Fincher. Il y a des artistes où c'est intéressant en studio parce que c'est tellement élaboré que tu perds un peu en live. Mais il y a des artistes que tu découvres en live et qui se révèlent en live. C'est pas que les albums studio sont pas intéressants, bien au contraire, mais il y a quelque chose effectivement voilà, que tu peux amener. Alors voilà, moi j'ai vu Goldman sur scène, on en a parlé. Alors Goldman, tu vois le 15e concert, tu vois le 150e concert, c'est toujours le même. C'est pas un artiste, c'est un artiste qui est très cadré. Quand tu vois des groupes comme les Stones, quand tu vois des groupes comme des groupes de métal, quand tu vois des groupes rock, c'est parfois plus aléatoire. Comédie musicale, c'est très réglé aussi, mais effectivement, il y a une émotion et quelque chose de particulier où c'est quelque chose de sympa. Je suis d'abord cinéphile avant d'être sériephile, parce que le cinéma, ça se partage aussi dans une salle de la même manière. Quoi. Donc effectivement, oui, le live. Je vais moins en concert depuis quelques années, alors j'y retourne maintenant pour voir des spectacles musicaux, effectivement. Mais quand on suit des artistes qui se produisent plus sur scène, après, ça devient compliqué de les voir. Et je me suis évité quelques artistes, les revivals des vieux, c'est assez limite hein, quand même, je pense. Hein, voilà. Quand tu vas avoir des groupes où ils étaient quatre au début, ils sont plus que deux, ou voire tout seuls, je pense au bout. Que j'aime beaucoup, mais je pense que voilà, quand c'est des groupes qui sont en plus basés sur la puissance vocale ou des trucs comme ça, bah les mecs à 70 ans, ils gardent pas tous la puissance vocale, quoi. Ouais, ils ont fait le temps, quoi. Ouais, voilà. Bon, donc je pense, mais j'ai plaisir à voir. Alors, je vais pas assez voir des trucs où je découvre des groupes. Ça me manque un peu. Il y a des périodes où je le fais, mais voilà, après, il faut aussi trouver le temps, il faut aussi trouver l'endroit, etc. Donc voilà, j'ai un pote bordelais qui m'a fait découvrir des groupes bordelais qui étaient vraiment sympas. Voilà, il y a une scène rock à Bordeaux qui est très forte. Alors évidemment, on connaît Noir Désir qui en a émergé, mais il y a eu beaucoup de choses intéressantes. Mais voilà, donc il faut de temps en temps aller voir des trucs comme ça au pif. Parce que de toute façon, et au vu de ce qu'on disait un peu aujourd'hui sur la dématérialisation de la musique, la vente d'albums aujourd'hui, c'est des cacao. Enfin, c'est terminé. Je suis un peu parti. Je suis pas terminé, mais je pense qu'un artiste aujourd'hui, son credo, c'est le live, quoi. Donc s'il n'est pas bon en live, ça marche pas, quoi. Ah bah on va continuer, mais cette fois-ci, on revient au rock britannique. Ah c'est oui. Incroyable. C'est pas possible. Tu en as parlé justement, on va écouter un petit peu The Who. Won't Get Fooled Again sur l'album Who's Next de 1971 et en studio. Et cette fois-ci, c'est en studio. C'est bizarre cette histoire. Cette intro, c'est les intros interminables. Ah, toujours. Pareil, une découverte avec les disques de papa. Et puis quand même un truc qui commence à aller un peu plus loin, à être un peu plus brutal parfois, avec My Generation, qui est un enregistrement qui saturait, avec We Won't Get Fooled Again. Pour l'anecdote d'ailleurs, la chanson a fait 9 minutes, genre 7 ou 8 minutes je crois. Et moi j'avais une cassette des Who qui était un best-of de best-of, je vous passe le détail, et je la passais au début parce que je la trouvais trop longue, donc et puis un jour je l'ai réécoutée, et là après je me suis mis à l'écouter en boucle, parce que voilà, parce que Barbarousse, toi ça te parle, mais moi j'avais un Walkman Auto-Reverse, ouh, oh là là, attention le luxe et tout, hein. Oh les Sony machin, là, c'était vachement bien. Et moi j'avais du Iowa tout bleu, et c'est un truc, ça paraît un détail, mais ça m'a... Il m'accompagnait au collège tout le temps. Enfin voilà, c'est un truc. Moi, donc il y a une période où j'écoutais de la musique beaucoup, beaucoup. Alors fallait choisir ses cassettes. C'était chiant. Hein. Enfin, il y a un côté. Je peux comprendre quand Steve Jobs a dit là-dedans jouer 1000 chansons. Évidemment, tu dis oui parce que c'est formidable. Cette cassette-là a tourné, les cassettes des Stones ont tourné. Enfin voilà. Et du coup, normalement, tu les écoutes beaucoup en boucle. Et j'ai aussi un souvenir d'avoir. Ça m'avait très plaisir parce que c'était un groupe qui n'était pas très connu. Pensez qu'on est avant les experts, parce que maintenant tout le monde dit ah c'est le générique des experts. Voilà. À l'époque, je lisais du Stephen King, et Stephen King fréquemment dans ses débuts de chapitre met des extraits de chansons, et il met un extrait de chanson des Who qui s'appelle Magic Bus dans Christine, je crois. Et là, tout d'un coup, tu es content parce que tu dis il est en train de faire une référence. Moi, je l'ai comprise. Je suis sûr que le mec d'à côté de moi qui lit, il l'a pas comprise quoi. Parce que moi, quand j'écoute ça en 90, c'est déjà des groupes de vieux. Hein. Et il n'y a pas le côté revival qu'on a aujourd'hui plus facilement. Moi, mes potes n'écoutent pas les Who, ça n'a aucun sens pour eux. Ils écoutent des trucs récents, ils écoutent la radio, ils écoutent Skyrock, ils écoutent Energy, mais ils n'écoutent pas ça. Donc voilà, donc c'est une découverte via ça. Après, je plonge dedans, je découvre le film Tommy, donc adapté de leur opéra rock, qui est un truc... Tu sens que c'est la drogue à tous les étages, parce qu'à un moment il y a une télé qui vomit du champagne, du savon et des flageolets anglais, les beans, et la mère elle nage dedans. Enfin, Tommy, c'est l'histoire d'un gamin qui voit son beau-père tuer son père et qui devient, on lui dit surtout tu dis rien, donc pour, à cause de ça il devient sourd, il devient muet, sourd, aveugle, et il va monter une religion à la fin en jouant du flipper. Enfin voilà, ça n'a aucun sens. C'est génial, il y a Elton John, il y a Clapton, il y a voilà. Donc je restais quand même dans un truc où tous les artistes que j'écoutais se croisaient les uns les autres entre guillemets, donc c'était facile de passer de l'un à l'autre. Mais vraiment, et une fois de plus, les morceaux quoi, les putains de morceaux quoi. Alors avec un guitariste hein, qui est un Pete Townshend, qui est vraiment un mec aussi starbé, qui a aussi une vie de fou, il a bu, il s'est drogué, voilà. C'est un peu un leitmotiv de pas mal des artistes des années 70 quand même. Mais voilà, et des chansons, des riffs, des trucs de tranchant à la guitare, ça pète, ça envoie. Voilà, c'est, ça donne envie de secouer les cheveux, donc voilà, ça pète vraiment, ça fait plaisir quoi. Par contre, avec un fond, parce que je repense à la playlist, je crois, de Kenton, qui t'a fait bouger les cheveux aussi. Dans mes souvenirs, Kenton, c'était assez du gros rock hein, dans mes souvenirs. Il y a un petit peu de rock, ouais. Et sauf que moi, par contre, ça reste très blues. Il y a une base rock simple, c'est-à-dire que on parlera de trash tout à l'heure, mais ça va jamais très loin quand même. Il y a du American in Charge, du Name of God, du. Ouais, voilà. Moi je reste classique, je reste 70 quoi, même Zeppelin, j'aime ça devenir un peu trop. C'est un peu du rock gentil quoi, si on peut appeler ça gentil. Voilà, là je me suis fait l'autre partie, tu vois, ça y est, là, donc je suis sûr de pas survivre aux jours qui viennent. Je suis resté. Excuse-moi, je t'ai perdu pendant 5 secondes. Je n'aime pas les Pink Floyd. Ah d'accord. Ça m'endort. Donc je suis resté vraiment dans un rock. Comme tu dis, britannique, entre 62 et 70 quoi. Je suis pas rentré dans le progressif, ce qu'on appelle le prog après, avec les trucs un peu planants, ça me parle moins quoi. Le riff, les chansons, les cris, les trucs, enfin voilà, les trucs un peu ce qu'on est en train d'entendre quoi. Voilà, ça me parle, et effectivement ça c'est resté un truc où aujourd'hui je vais réagir à ça. Si j'ai adoré la série Vinyl, bah c'est parce que voilà, elle est produite par Scorsese et par Jagger, et que cette musique-là, alors elle est, certes c'est américain, mais c'est cette musique-là quoi. C'est la musique 73 dans ce rock-là qui est pas encore progressif, mais qui est vraiment fort quoi. Et toujours cette passion du rock britannique. Toujours papa, ou là t'as vraiment commencé à découvrir par toi-même? Alors moi je commençais à découvrir par moi-même, après je commençais à chercher, mais c'était encore une source assez intéressable de vinyle en cher père là-dessus, ça marchait bien quoi. Et c'était, nous c'était à l'époque pas évident de découvrir, enfin voilà, après c'était les cassettes, c'était les CD. Après il y a un moment je suis allé un peu plus loin que mon père, c'est-à-dire que mon père avait ses trucs, puis moi j'ai un peu dépassé le truc, enfin je suis comme tout le monde hein, comme on te propose des trucs et toi tu vas chercher, tu vas te renseigner, tu vas pousser plus, tu vas aller un peu plus loin. Et voilà, donc voilà, je commence à chercher par moi-même, mais c'est sur les Who, sur les Stones, c'est des trucs où je reste très proche des groupes paternels. Après, moi, je vais aller dans le métal un peu plus loin, et là, par contre, je vais laisser le père derrière, et moi, je vais construire mon truc à moi en matière de guitare et de choses comme ça. Est-ce que tu penses être, entre guillemets, un enfant de la cassette? Dans le sens où c'était plus facile à transporter qu'un vinyle. Et ça permettait de découvrir plus facilement, oui, la musique. Ouais, parce qu'on s'échangeait plus facilement, parce qu'on copiait, parce que... moi, j'ai finalement... j'ai pas un rapport spécial avec le vinyle, parce que moi, j'en avais, mais c'était con, c'est chiant à manipuler. Et surtout, moi, oui, je suis un enfant de la cassette, dans le sens où je suis un enfant de la musique qui se promène. Et on est les premiers, entre guillemets, enfin les premiers. Les années 80, c'est ça la nouveauté. C'est le fait de mettre la musique, c'est moi de partir au collège avec le casque sur la tête, quoi. Ce que nos parents faisaient pas. Je pouvais pas faire. Bah non. On va laisser Roger Daltrey conclure. Pas conclure, mais... Ah, évidemment, ça vous fait tous penser aujourd'hui à... Ah, c'est bien ça. Aux experts Miami, mais c'était autre chose avant. Voilà. Donc oui, je suis un enfant de la cassette dans le sens où c'est la musique qu'on promène, qu'on partage plus facilement que les vinyles. Alors nos parents échangeaient les 45 tours. Moi je me souviens des cassettes, ils nous ont fait les cassettes 45 tours hein, quand même. Hein. C'est une arnaque de ouf, mais on a eu les cassettes avec deux titres dessus. Hein. Voilà. Après le CD a révolutionné, mais le CD dans ses débuts était pas très transportable. Il y a des chanceux et des riches qui avaient des Discman. ça c'était très bien. Sauf... Et le CD était tellement énorme que le lecteur passait pas dans les poches. Déjà, et puis, ça, et puis surtout quand tu le secouais un peu, il aimait pas du tout le machin. Quoi. La cassette, tu pouvais la secouer, ça gênait pas. Alors après, mon Magneto, il m'a bouffé des cassettes, j'en ai voulu. Mon Walkman aussi, t'as les trucs qui s'usaient, qui se collaient. Enfin bon, c'était un support qui avait ses limites aussi. Mais oui, moi, c'est plus que la cassette, c'est le fait de la balader, quoi. De se dire, voilà, j'emmène mes cassettes, je me fais mon truc, moi je me refaisais mes bricolages ou des fois je mettais certains morceaux. Mon cousin m'avait passé tout Maiden en cassette complètement, voilà, avec les albums, les titres d'albums écrits dessus à la main. Voilà, il y avait ce truc-là qui était. Qui rendait, alors je vais dire des trucs, ça fait vieux con, parce qu'aujourd'hui, moi je suis sur Deezer et j'en suis hyper content parce que ça reste quand même d'une praticité de ouf. Mais il y avait un truc, il y avait un rapport charnel, un rapport physique, et c'était difficile. C'est-à-dire que moi, tu vois, le fait que mon cousin m'ait passé l'intégrale de Maiden en cassette qu'il avait faite lui, je m'en souviens. Aujourd'hui, je peux passer l'intégrale de machin, moi je t'envoie un mail, je te mets une pièce jointe, un Dropbox, hop, terminé, je vais oublier après-demain, si tu veux. Donc voilà, il y avait un rapport qui était plus complexe. L'accessibilité était un petit peu plus difficile, donc ça rendait la quête plus intéressante. Alors que maintenant, tout est accessible et faire ressortir quelque chose, c'est très, très compliqué. Ben voilà, c'est difficile. Hein. Après, moi, je suis super content de faire un aparté, parce qu'on a le droit. J'écoute en ce moment l'EP d'Asmoth, des Sondiers. J'ai écouté l'émission des Sondiers, ils parlent de l'EP d'Asmoth. Je suis sur Deezer, je tape Couple in the Attic, tac, j'ai l'EP et je l'écoute. Voilà, tout ça en 25 secondes. Ça, c'est génial. Ça, moi, je marche à fond. Moi, il y a une période où j'écoutais moins de musique parce que j'avais plus d'iPod et que j'arrivais pas avec mon téléphone à écouter de la musique comme je voulais. Je me suis remis au streaming. Alors, j'ai pas Metallica, j'ai pas Goldman. Voilà. Ça, c'est mon grand malheur de streaming parce qu'il y a des artistes qui disent fuck. Voilà. Débrouillez-vous. Mais n'empêche que j'écoute plein de trucs. Après, je trouve que la recommandation, elle a ses limites. Je préférais toujours la recommandation de potes. Même si on a tous eu le pote qui te dit « Putain, faut que t'écoutes ça, c'est très bien », tu me dis ça trois fois, j'écoute jamais. Juste parce que tu me dis trois fois « Faut écouter, c'est trop bien », ça m'énerve. Je sais pas si t'as ça comme moi, mais quand on te survend un truc, « Ah, faut que t'écoutes. » Bah, tu te fais avoir une fois, deux fois, on t'a tellement grossi le truc. Ouais, en plus, non mais voilà, après, bon. Mais par contre, voilà, la force de ces trucs-là, c'est qu'il y a des recommandations. Alors, bon, après, lui faire comprendre que si tu écoutes Goldman, ça ne veut pas dire que tu as envie d'écouter Nolwenn. Voilà. Pour lui, c'est de la variété française. Donc, la recommandation, elle a ses limites, si tu veux. Voilà. Comme il n'y a pas bon goût, il est con, il fait ce qu'on lui a appris. Quand il écoute Nolwenn, quand il écoute Berger, il dit bah, écoute Nolwenn. Bah, non, j'écoute pas Nolwenn, j'écoute Michel Berger. C'est pas pareil. Voilà. Mais bon. C'est les limites de la recommandation un petit peu. Quoi. Et pourquoi pas un live justement? Des Who? Des Who. Ouais. Oh, parce que les versions studio sont très bonnes déjà, mais comme les versions live. Parce qu'il y a moins de lives connus forts. Alors, tu en noteras que les lives, non, bon, les Shine the Light c'est particulier, mais c'est souvent très français. Parce que celui-là, moi, m'a marqué aussi comme morceau, avec les cris, avec les... Voilà, c'était un des morceaux... moi, c'est marrant, tu vois, j'écoute les Who à travers une grosse compile qui s'appelle The Maximum Rhythm and Blues, 30 Years of Maximum Rhythm and Blues des Who, qui a un quintuple coffret. Il y a peu de lives, il y a deux lives connus des Who. Les morceaux sont tellement forts, sonnent tellement live finalement en studio, que j'ai pas de... Comme les Stones où je vais avoir des lives de référence, voilà, j'écoute Flashpoint qui est live 92 parce que c'est le premier que j'ai écouté, j'écoute Shine Light parce que c'est un super film de Scorsese, voilà. Par contre, les Who, j'ai moins d'accroche avec le live, j'aime dans les Who, il y a une construction, il y a une finesse d'écriture, il y a une élaboration, il y a plusieurs guitares empilées qui fait que j'aime beaucoup écouter les albums à cause de ça. C'est des choses que tu perds forcément en live, ce qui est pas un mal, hein. Tu gagnes de l'énergie en live et tout, mais tu perds un peu en élaboration. Et tu les as déjà vus en live? Et non, parce que je les ai ratés, je m'en veux, parce que j'aurais pu les voir. Alors, ils étaient quatre, les Who. Il y avait les Who originaux, c'est Roger Daltrey au chant, Pete Townshend à la guitare, ça y est, ça va pas me revenir, le bassiste qui s'appelait... ça m'en revient pas. Moi, ça va me revenir, je sais pas pourquoi. Voilà. Et leur batteur s'appelait... oh là là, la fatigue, la chaleur. Pete Townshend, je sais pas. Alors, Pete Townshend, c'est le guitariste, donc. Roger Daltrey au chant. Kenny Jones. Dis-moi. Kenny Jones. Non, ça c'est les récents. John Entwistle. Alors John Entwistle, c'était leur bassiste, John Entwistle, et leur premier et Keith Moon qui était leur premier batteur. Alors Keith Moon, il est mort de sa belle mort. Il est mort un peu drogué dans les années 70. Et John Entwistle, il est mort il y a quelques années maintenant. Donc j'aurais pu les voir à trois. Parce que moi, Keith Moon est mort bien avant. Il faut voir les documentaires. Keith Moon, le mec, il était vraiment, vraiment jeté. Hein. Mon papa les a vus. Il a fait la première partie à la locomotive, qui était une salle parisienne. Le mec, il grimpait sur les colonnes à plusieurs mètres de hauteur. Daltrey et Townsend se battaient en se mettant des coups de guitare sur la tête. Enfin, voilà, c'était vraiment particulier. Hein. C'était un peu comme les Gallagher, comme Oasis. Mais c'était des mecs un peu starbés, quoi. Et j'aurais pu les voir à Troyes dans les années, début des années 2000. Ils sont repassés à Paris ou je sais plus où. Et puis après, Entwistle est mort. Donc il reste plus que Daltrey et Townsend. Vous avez pu les voir, ils ont fait une mi-temps de Super Bowl. Le problème, c'est que Daltrey, que vous avez vu dans Highlander, hein, s'il y en a qui regardent Highlander, et c'était même le méchant de Sliders, Roger Daltrey. Il a fait plein de... Oh là là. Ouais, il a fait plein de trucs, Roger Daltrey. C'est un chanteur avec des frisettes. Le problème, c'est que vous avez entendu dans We Won't Get Full Again, c'est un chanteur à voix qui pousse vachement la voix. Le problème, c'est qu'il pousse plus la voix comme avant, mais il peut pas, hein, c'est pas grave, hein, c'est chacun vieillit tous, hein, voilà. Carl Lewis, il court plus comme... Enfin, bon, il est mort, je crois, d'ailleurs. Mais voilà, à un moment, c'est un niveau technique très fort. Et du coup, c'est pour voir un truc un peu dévieillissant. J'ai peur d'être déçu maintenant, tu vois, de les voir et de me dire, bah ouais, mais c'est pas ce que je veux voir, quoi. Tu vois, c'est pas... c'est de la musique. Alors, c'est très drôle parce qu'on a beaucoup reproché à Roger Daltrey dans My Generation, qui est un des tubes des Who. Il chante « Je veux mourir avant d'être vieux ». Alors, tout le monde lui dit « Ah ouais, c'est quand ?» Alors, finalement, parce que maintenant, c'est un peu tard. Mais voilà. Donc, non, j'irai pas les voir en concert. J'ai des potes qui ont vu Deep Purple, qui m'ont dit... alors, j'ai entendu des trucs bien, puis j'ai entendu les mecs dire « Ouais, alors, c'est un peu vieillissant. Honnêtement, les vieilles gloires qui... Alors c'est marrant, c'était impossible à penser qu'ils feraient des concerts dans les années 90. Je pense à... J'ai vu King Crimson en affiche, j'ai vu même les Roger Waters, là, toute la bande des Floyd. Il y a une période où personne ne voulait les voir en concert. Puis le revival et puis la nostalgie permanente fait que maintenant ils refont des concerts. Moi je serais méfiant. Hein. C'est-à-dire que faites attention quand vous allez voir des vieilles gloires, parce que parfois... C'est les vieilles gloires. Hein. C'est-à-dire que il y a des fois, je trouve que ça peut me lasser, ça peut décevoir de l'image que tu en as. Quoi. Voilà. Et un peu un regret de ne pas les avoir vus, ouais, à l'époque. Ouais, le truc avec Ansel Weiss, Daltrey. Alors j'aurais peut-être été un peu déçu, mais d'avoir les trois, ouais. Quand déjà ils sont plus que deux, déjà tu as plus que 50% du groupe, comment dire, quoi. Voilà, c'est. C'est les mecs qui iraient voir les Guns sans Axl Rose et Slash, quoi. Bon, ok, les gars, où est l'intérêt? Enfin, c'est pas où est l'intérêt, mais c'est pas le mythe du truc, quoi. Les Stones, ils sont encore 3 d'origine, et puis il y a les deux principaux, donc voilà, bon. Mais voilà, je trouve qu'il faut être quand même... j'ai des regrets de concert. Barbara, j'ai pas vu Barbara, je regrette parce qu'elle est... il y a une période où je voyais des concerts, les mecs mouraient juste après, c'était hyper flippant. J'avais vu Petrucciani, il est mort 3 mois après. J'ai vu Nougaro, je crois qu'il est mort pas si longtemps que ça après. Enfin voilà, j'ai dit, voilà. Méfiez-vous si vous étiez au concert d'ADC. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Il y a des regrets. Vraiment, je pense à, ouais, tu vois, plus en français, des Barbara, des Aznavour, j'irai plus. Brel. Voilà. Brel, j'ai pas de regrets, il est mort avant que je sois né. Enfin, tu vois. Oui, il est mort. J'aurais bien vu en concert. Oui, non, mais tout à fait. Je parle de regrets où tu te dis, j'aurais pu aller les voir, puis non. Ouais. Donc voilà, j'ai vu Michael Jackson, mais c'était chiant en concert. Hein. Moi, je me suis un peu fait chier, mais voilà, j'ai une période où je ne payais pas les concerts pour aller les voir à Longchamp. Je rencontrais ma life, je rentrais avec le pain pour les sandwichs. Voilà. C'était toute une époque. Mais voilà, c'est comme ça que je n'ai pas vu U2 parce que ça me faisait chier. Bon, U2, je n'ai pas de regrets parce que j'aime bien, mais sans plus, enfin, pas suffisamment pour aller les voir. Quoi, mais... Donc voilà, je pense qu'il y a des concerts. Je pense que même quand on n'aime pas certains artistes, il y a des concerts qu'il faut voir. Quand on commence à entendre parler de phénomènes, je pense à Muse par exemple, que j'ai pas vu, qui est passé là il y a pas longtemps, là, parce que au moment où on enregistre, on est en pleine Euro 2016. Ils ont profité de la Tour Eiffel pour faire un concert. Moi, j'ai mon chef qui est allé et il adore et tout. Moi, j'aime pas assez, mais je me dis que je devrais parce que c'est des groupes qui en live apporte quelque chose. Vraiment, il y a quelque chose, il y a un truc en plus en live. Et on peut écouter plein de fois Muse en disque. Là, je pense qu'ils ont un vrai plus. J'ai pas vu Queen parce que au moment où je m'intéressais, d'abord, ils n'ont pas fait de concert en France, dans mes souvenirs. Je parle de Queen avec Freddie Mercury. Hein. On est bien d'accord. J'ai pas vu Queen en concert. Ouais, ça, c'est un truc où, même si je ne pouvais pas les voir mathématiquement, c'était impossible. Ça, c'est un regret parce que voilà, ça, c'est du concert qui, qui devait démonter. Roger Daltrey a bien joué dans plusieurs épisodes de Highlander et surtout, il a joué dans une série magnifique qui s'appelle Lois et Clark, les nouvelles aventures putain, de Superman. Aussi. Ah non, mais il y a une période, il voulait faire l'acteur, quoi. Voilà, donc non, moi, je me souviens, c'était le méchant de Sliders. C'était le général méchant dans Sliders. Oui, il y a un général méchant dans Sliders. C'est aussi joué dans That 70s Show. Et là, il faut que je le voie absolument. Alors, à mon avis, là ça doit être. Il doit jouer un peu son. Enfin, c'est pas impossible qu'il joue son propre rôle. Mais il y croyait, hein. C'est pas un acteur de malade, hein, faut être clair, mais dans Highlander, moi je me souviens, il croyait. Alors pareil, j'étais le seul à le reconnaître, on dit, ah c'est Roger Daltrey, tout le monde Roger Daltrey, ça parlait, à l'époque ça parlait à personne quoi. Et ça fera écho à autre chose dans la playlist, vous comprendrez bientôt pourquoi. Alors on va avancer dans le temps, avancer dans le temps en fait, puisque maintenant c'est pas du rock, c'est du metal avec Metallica, Sad But True. Live en 1991 sur l'album Metallica et toujours en live à Nîmes en 2009. Yes. Alors t'as une intro de 2 minutes, hein, je crois, parce que ça me permet de parler en tant que lui. James Hetfield, donc le chanteur guitariste de Metallica, est un des meilleurs frontman, c'est-à-dire le mec qui est en front scène que je connaisse. C'est le mec, c'est impossible d'aller voir ses concerts sans lever les bras, sans pas hurler en même temps que lui. Il a une façon de manier la foule qui est ouf. Et là, sur cette version-là, à Nîmes, il est fait reprendre Sad But True, qui est un très beau morceau, très sombre, très noir. Et il se met à les faire chanter. Alors, évidemment, ils sont à fond. Le public de Metallica, il est toujours à fond. Hein. Mais il se met à les faire chanter. Et c'est complètement génial, quoi. Et et vraiment... Voilà. Metallica, est-ce que c'est le début de l'adolescence? Ah ouais, Metallica, 91, donc moi, collège. Donc déjà en train de faire de la guitare en me disant, putain, c'est bien, j'étais passé par Hendrix. Donc j'avais fait les Stones, comme m'a dit papa, puis Hendrix, toi, ça commençait à saturer. Je me dis, on peut faire plus, on peut aller plus loin et tout. Et là, 91 sort Nothing Else Matters, qui est le tube de Metallica de 91, sur l'album Black Album, donc oui, et Sad But True aussi. Et tout le monde, ça passe dans les radios partout, ce qui est très étonnant. Hein, ce qui est pas... Et moi, avec un autre pote qui s'appelle Pierre, qui est resté un bon pote de l'époque, enfin qu'il est toujours, c'est toujours un de mes potes, lui était déjà plus métalleux que moi, et lui avait les albums d'avant 91. Et les albums d'avant 91, c'est du trash, c'est Master of Puppets, c'est Kill Em All, c'est Ride the Lightning. Et il me passe ça en cassette, et là j'ai une découverte de la saturation, de mecs, de break de batterie, de rupture de rythme, et je deviens ouf, et j'ai des souvenirs d'avoir écouté ça avec mon Walkman toujours, en me disant putain vraiment c'est génial quoi, voilà. Et du coup je rentre dans Metallica et je vais les voir à Longchamp en 92 pour la tournée du Black Album, et depuis je les ai vus. Il y a une période où je les ai un peu lâchés parce que Metallica est un groupe compliqué, Metallica est un groupe qui fait différent à chaque album, et il y a des fois ça marche, il y a des fois c'est plus discutable, mais je les ai revus en 2009. Je les ai revus au Sonisphere en 2013, je crois, avec Pierre d'ailleurs. Et putain, c'était juste génial, quoi. Le morceau, le cœur du problème, c'est le morceau, quoi. Alors, non seulement faut le jouer en live, mais putain, c'est des riffs. Alors, c'est très blues, il y a un truc. Ça paraît bizarre, mais il y a des riffs blues. Mais voilà, c'est pas de la voix gueulée, c'est de la voix quand même. Il a beaucoup progressé en chant et c'est vachement sympa. Donc vraiment moi c'est un truc, et c'est à voir en live, mais c'est juste génial, tellement c'est fait pour être chanté, pour être voilà. Et Nîmes, faut imaginer les arènes de Nîmes complètes, c'est les guerriers quoi, c'est les mecs qui y vont, c'est les guerriers. Mais je parlais justement de début de l'adolescence, est-ce que c'est pas ce groupe qui t'a donné entre guillemets le... tu l'avais déjà un petit peu dit avant, mais on peut faire autre chose avec une guitare, on peut faire autre chose avec c'est une la batterie, rébellion. On peut aller plus loin. C'est la rébellion, c'est se laisser pousser les cheveux alors que ça ne m'allait pas. C'est l'hygiène douteuse, hein, on a tous les... C'est les jeans troués. Alors, jeans troués, moi, j'allais pas aussi loin, mais... T'avais pas les chemises de bûcheron à la Nirvana. Alors, tout non, ça, alors pensez qu'aussi, en 91, pensez, parce que vous êtes peut-être pas né ou je sais pas quoi, on se paye donc Nothing Else Matters et en même temps, on se paye Lacton Spirit. Donc il y a un moment où on, après des années au moment de la dance on a quand même une scène rock qui réémerge, qui revient un petit peu avec Nirvana, avec le grunge et tout, et nous c'est une opposition, on se place en opposition à la dance frontale quoi, immédiate, et donc ça, tous les rockers, nous ça nous plaît parce que voilà, ça nous rend différents du grand public qui écoute M6 avec parce que Nirvana il passe pas sur M6, Metallica non plus. Donc voilà, donc ça nous rend un peu snob. Moi, ce que je garderai, ce que je garde toujours, hein, ce qui me plaît. Mais voilà, ça nous rend un peu différent. Mais surtout, voilà, une espèce d'énergie. Voilà, quand t'es un ado, t'as une forme de pas de rébellion, mais de d'opposition. Tu te poses des questions sur la société. D'individualité, d'identité. Complètement aussi. De recherche d'identité. Bah voilà. Alors, t'as des coupes de cheveux qui ressemblent à rien. Quand t'as 30 ans, tu te brûles toutes les photos, tu te dépêches vite de faire disparaître les preuves parce que tu dis non, jamais j'ai eu des coupes de cheveux pareilles. C'est juste pas possible. Hein. Est-ce que penser que les cheveux longs, faut les avoir partout, sinon ça fait un mulet. Voilà. Mais ça, on te le dit pas quand t'as 14 ans, 15 ans. Donc voilà, donc c'est une espèce de rébellion. Alors, de rébellion toute gentille hein, pour moi, qui était de la rébellion musicale, hein, parce que moi, j'ai jamais cassé un carreau de ma vie. Hein. Je suis un gentil, hein, mais. Et voilà, c'était une façon de trouver un truc qui nous démarquait par rapport au truc. Et je maintiens, c'est des chansons que je prends plaisir à écouter encore aujourd'hui. Donc c'est des chansons qui, pour Kill Em All qui sont composées en 81, pour Sad But True qui sont composées en 91, c'est des chansons que je prends plaisir à écouter en 2016 et qui me font bouger en 2016, quoi. Donc c'est la chanson. Mais est-ce que c'est pas en même temps des titres qui font bouger autre chose que les pieds? Ah bah. Là, c'est des titres qui font bouger ah la bah, tête. C'est clair. Voilà. Alors, Kenton, tu dirais que c'est très gentil. Oui, c'est possible, mais moi, c'est la limite. Voilà. Il faut que ce soit reste. Voilà, faut que ça reste très. On va aller jusque du Slayer, jusque. J'ai fait un tout petit peu, puis ça m'a vite lassé bizarrement. Je suis très rock et finalement Slayer et enfin, j'en écoutais un peu, hein, mais je me lasse un peu plus vite. J'aime moins. Alors après, pareil, je me planche pas sur les textes. Alors qu'il y a des métalleux où ça vaut le coup de se pencher sur les textes. Pas tous, mais Metallica, il y a des choses fortes. Il y a des choses sur la guerre. Il y a One qui a un morceau sur la guerre. Il y a The Unforgiven. Il y a des choses. C'est Hetfield, il a une plume assez réussie. Alors Hetfield, je vous recommande Some Kind of Monsters. C'est un documentaire sur une période où Metallica a failli exploser. Puis ils ont eu l'intervention d'un psy de groupe pour rester ensemble. Parce qu'Hetfield était en pleine descente alcoolique. Enfin voilà, c'est des personnages aussi extrêmement rigolos. Enfin rigolos. C'est des personnages quoi. Les membres de Metallica, c'est des mecs un peu particuliers. Donc voilà, l'opposition entre le batteur et le chanteur, c'est une friction permanente qui a amené des grandes choses. Et puis des fois, ça pète. Et voilà, c'est très intéressant à voir. C'est vrai que par contre, ils sont américains. Je crois qu'ils sont de San Francisco notamment. Mais pour faire l'anecdote, vu qu'on parlait de rock anglais, il y a des tensions. Il y a Metallica a évincé son premier guitariste qui s'appelle Dave Mustaine, qui a fondé Megadeth, pardon. Il y a encore des tensions, c'est-à-dire que le mec, il a été évincé en 81, là, il se revoit en 2000, les mecs, ils n'ont pas réglé leurs problèmes, quoi, tu vois. Donc, ils sont dans des tensions, leur bassiste qui est parti aussi, il y a une espèce de tension. Quand tu vois Maiden, ils ont changé trois fois de guitariste, trois fois de chanteur, les mecs, ils boivent tous des coups ensemble, et ils trinquent et ils sont contents de se voir, quoi. C'est la différence entre les Anglais et les Américains. Il y a un flegme britannique qui est juste magique, voilà, ou à la cool. Et tu as choisi ce titre-là, ce live-là, et pas un autre style de live qui, à ma connaissance, est la seule fois où j'ai entendu ça. C'est le Metallica Symphonique de San Francisco, une symphonie orchestrale. C'est vrai que j'aurais pu prendre le Metallica Symphonique, qui est juste. Qui a une autre puissance, qui est quand même. Juste c'est complètement différent. Exceptionnel, qui est un truc hors du commun. Il n'y a que Metallica qui pouvait faire ça. C'est dirigé par Michael Kamen, feu Michael Kamen qui nous a quittés, donc qui est d'ailleurs, t'as vu la connexion, attention, Michael Kamen, c'est le mec qui a fait la bande originale de L'Arme Fatale avec Clapton et le fameux saxophoniste dont je ne retrouve pas le nom, mais je retrouve un jour. Et c'est vrai que les morceaux sont magiques, qu'il y a des versions absolument géniales du Call of Cthulhu, de tous leurs tubes, bah, Nothing Else Matters notamment, de Battery, qui est un morceau très violent mais qui marche très très bien, qui est à la fin du live et tout. C'est vrai que c'est un grand morceau. J'ai choisi Nîmes un peu par chauvinisme, parce que voilà, je trouvais que c'était sympa que Metallica fasse un DVD spécial. Alors ils font des DVD dans pas mal de pays, hein. Mais un DVD en France avec un look particulier à Nîmes, parce que voilà, le cadre est quand même assez incroyable. Donc voilà, si vous voulez faire une idée de ce que c'est que l'ambiance à Metallica, c'est facile, vous regardez un début de live, il y a l'Ecstasy of Gold, je crois qu'il est déjà passé dans la playlist en plus. Je crois pas. C'était le morceau de la honte de je sais plus qui d'ailleurs, c'était très bizarre. Iggy alors, mais c'était du Ennio Morricone, c'était pas ça. C'est pas l'Ecstasy of Gold ? Je crois bon, pas. Bref, c'est l'ouverture du truc de Metallica et ça met une ambiance de folie et voilà. Et non, alors Metallica, on en revient à ce que je disais, c'était un truc qu'il fallait un live parce que j'adore les albums, mais en live, putain, ça envoie tellement, c'est tellement puissant que voilà, c'est très fort. Et tu es resté dans le métal ? Non, finalement non, j'ai fait un court passage. Mes deux groupes phares, c'est Maiden et Metallica. Après, quand j'écoute autre chose. J'ai un peu écouté AC/DC mais ça me lasse un peu vite, j'aime bien les morceaux principaux. Après Trust est un groupe très fort en français mais qui est plus en activité je crois, je sais plus. Non, plus loin, le problème c'est que plus loin j'ai pas retrouvé des morceaux aussi sympas. Je me suis pas replongé, hein, c'est possible, mais j'ai pas retrouvé de choses aussi fortes, ou alors après ça devient trop fort pour moi et là je maintiens les Slayer, les Pantera, les trucs, j'en ai écouté, hein, mais c'est trop. Voilà, je retrouve, prends pas de plaisir, il n'y a pas le riff souvent. C'est quand ça devient trop rapide, trop puissant, quelque part, il n'y a pas de riff. Alors, c'est les groupes, moi j'étais au Sonisphere, qui est un festival de métal, c'est les groupes qu'il faut voir en live. Hein. Même des groupes que moi j'aime moins sur disque, en live, ça envoie toujours du lourd. Donc voilà. C'est des groupes qui jouent avec leur public. Ouais. Et puis, c'est les machines de guerre. Il faut prendre ça comme une espèce d'énergie. C'est un tank, c'est des tanks qui avancent, et tu prends ça dans la gueule, et il y a un plaisir. Voilà, avoir ça et à péter. Mais dans la qualité de chanson, dans la qualité d'interprétation, dans dans les trouvailles de riff, moi c'est Metallica et j'avoue, j'ai jamais trouvé autre chose qui m'ait autant plu. Alors on va quitter un peu le bruit. Ouais, ouais. Calmons-nous un petit peu. On va se calmer un petit peu. On va retrouver. Bah, on retourne à la chanson française et d'ailleurs. Oui. Et un homme qui est parti aux États-Unis pour un certain temps, juste pour une histoire de photo. De photo ? Je crois que c'était une histoire de photo de ses fesses. Ah non, il est parti aux États-Unis pour un problème d'impôt. Ah, c'était le problème. Il a des problèmes avec les photos de ses fesses, c'est vrai, mais après, il a des problèmes d'impôt. Ah bah, les États-Unis, il y en a moins. Donc, on va suivre, va écouter Michel Polnareff, oui. L'homme qui pleurait des larmes de verre de 1974 sur l'album Michel Polnareff. Mais non. Et bien sûr, en live à Bercy en 2007. Pardon, c'est le The Retour. Avec un Z. Voilà, avec un Z. Bah, c'est pareil, une petite intro un peu longue. Qui va me permettre de dire que j'ai découvert Polnareff à la radio finalement. Je connaissais le nom parce que quand tu t'intéresses aux années 60-70, t'as la poupée qui fait le nom. J'ai un vague souvenir d'avoir dit. Je sens qu'il y a des moussaillons dans la salle. Ouais, c'est comme ça qu'il appelait ses fans. Alors il a un peu mal tourné depuis, hein, donc voilà. Dans l'excentricité, il y avait un truc un peu fou avec lui. Mais à fou, peut-être quasiment dans le mauvais sens. Ouais. Je laisse un peu parce que voilà, c'est ça qui me. Ce que j'aime chez Polnareff, c'est ça. C'est une chanson très peu connue mais qu'il a reprise et qui est très jolie, très. Bon, vous irez écouter hein, parce que. Polnareff, donc je connaissais parce que je m'étais intéressé aux années 60. Il y a toute une période où j'ai plongé dans les années 60 avec les pires trucs, avec les yéyés, avec les machins, mais ça m'intéressait comme période. Donc on entend parler de Polnareff qui effectivement chante la poupée qui fait non, qui est un gros tube, mais qui est pas un truc, puis qui après devient un peu subversif. Voilà, qui va chanter « Je voudrais simplement faire l'amour avec toi ». Et puis donc il va avoir des problèmes de fisc. Alors l'histoire c'est que le mec s'occupe de sa comptabilité, est parti avec le fric et l'a laissé sans qu'il puisse payer d'impôts. Voilà. Outre le fait qu'il voulait pas en payer, enfin bref. Et il a écrit un morceau qui s'appelle Lettre à France, qui est très connu, et que moi j'ai redécouvert à la radio. Et pour vous dire tout, même c'est une époque où j'écoutais un peu Obispo. Pascal, parce que j'aimais bien ce que faisait Obispo à l'époque. Et quand j'ai découvert Point de la Rêve, j'ai découvert que tout ce que j'aimais chez Obispo, c'est ce qu'il avait emprunté. Honnêtement, hein, c'est pas... Il s'en est jamais caché. Complètement, non, c'est un fan. Inspiré. Mais moi, ce que j'aimais chez Obispo, c'était ce que j'ai retrouvé chez Paul Naref. C'est-à-dire que c'est un mélodiste de ouf. C'est un premier prix de conservatoire de piano. Donc, c'est des chansons hyper élaborées, hyper bien construites. C'était parce que les... là, il essaie de revenir, mais je pense que ça sera pas bon. Mais bon. Et c'est des chansons absolument magnifiques, des mélodies très belles. Et j'ai redécouvert avec Lettres à France. Et je parlais de Mathieu, un de mes copains avec qui je fais de la musique aujourd'hui. Et on s'est retrouvés tous les deux là-dessus à savoir que ce mec-là était au-delà du phénomène, au-delà des fesses sur la photo, au-delà de la fuite aux États-Unis, un compositeur génial, quelque chose qui vraiment, avec du texte souvent très marrant, avec des jeux de mots, avec des trucs. Alors il était aidé par Dabadi et Jean-Loup Dabadi, qui est un scénariste français, et je sais plus lequel, le deuxième, peu importe, mais il écrivait pas ses textes tout seul, donc voilà. Mais c'est un monsieur qui avait un univers surtout, qui était très en avance sur son temps. Quand il fait un album qui s'appelle Kamasutra, c'est très électro, voilà, il avait un truc. C'est un mec qui a vécu 800 jours au Royal Monceau, l'hôtel, enfermé parce qu'il devenait aveugle. Alors en plus, il y a une pèse-bête de légende autour de lui. Donc voilà. Et j'ai eu la chance de voir son retour à Bercy, donc ce qu'on entend là, en 2007. Et il y avait vraiment un truc. On venait pas pour voir le nouveau Michel Polnareff, il nous a fait qu'un seul morceau qu'on connaissait pas, ça nous intéressait pas. On venait le retrouver. Enfin, moi je l'avais jamais perdu, mais on venait trouver ce mec-là, entendre ses chansons dans des versions géniales, parce que vraiment il a travaillé, il retravaille en live ses morceaux avec des musiciens extrêmement compétents. Donc vraiment c'était un très beau concert. J'irai pas au prochain parce que il a pas sorti d'album, j'ai pas envie de retourner voir quelque chose que j'ai déjà vu. Mais voilà, c'était vraiment un truc, une espèce d'ambiance festive de retrouvailles quelque part, et voilà. Et c'est un mec qu'il faut. Voilà. Le meilleur exemple que vous êtes Polnareff. C'est la géniale imitation qu'en fait Jean-Paul Rouve dans Podium, où il s'appelle Couscous. Et c'est, voilà, c'est un peu génial. Et ce mec-là est complètement. Alors, évidemment, il est complètement starbé. Hein, voilà, il fait le concert du 14 juillet après son retour en 2007. C'est Sarko qui est président. Il arrive avec son drapeau français. Il dit: Monsieur le président, je vous dis merde. Voilà, bon. Tu sais pas si c'est du lard, du cochon. C'est un personnage en plus qui est très très drôle. Alors, qui était très très drôle. Je pense que maintenant, il est un peu moins drôle. Il est passé de mode. C'est fini. C'est... Non, le problème, c'est que ça fait 30 ans qu'il nous prépare un album, et à un moment, c'est trop. Tu peux pas préparer 30 ans un album, c'est, au bout d'un moment, c'est ridicule, quoi. Et toujours intéressé par ses textes, justement. Alors, aussi la mélodie et les textes. Ouais, ouais. Ouais, il y a les deux. Alors, c'est plus un mélodisme. Les textes sont très beaux. C'est souvent un peu borderline. C'est souvent un peu. C'est assez drôle, voilà, il y a beaucoup de choses. Mais il a fait, alors toi, ça va peut-être te parler, toi. Il a fait la musique de La Folie des Grandeurs, par exemple. Oui. Il a fait la musique de La Vengeance du Serpent à Plumes. Je suis sûr qu'on est deux à avoir vu ce film. Est-ce que ça te dit quelque chose? Trois. La Vengeance du Serpent à Plumes avec Coluche. Donc c'est un mec qui est vraiment intéressant musicalement, qui est hyper intéressant. Voilà, et puis du texte, effectivement, assez malin, des petites histoires. Moi, j'aime ce que j'ai déjà dit, mais j'adore les... Dans la chanson française, que moi je suis en tout cas, Benabar est un exemple très très fort que j'aime beaucoup. C'est l'art de raconter des petites histoires en 3 minutes. En 3 minutes, t'as une histoire, 3, 4, 5 minutes, mais t'as un début d'histoire, un milieu, une fin. Donc c'est vraiment quelque chose de... Et je trouve qu'il n'y a que la chanson qui est en capacité de te raconter une histoire aussi vite. Donc, c'est un court-métrage, quoi. C'est vraiment un truc où... et t'as des mecs qui ont le sens de ça. Alors t'as des poètes, t'as souvent des poètes, mais t'as des choses. T'as une chanson très belle de Polnareff qui s'appelle Le bal des Lazes, où c'est un mec qui va être pendu. Ça se passe au Moyen-Âge, mais il va être pendu parce qu'il a couché avec la fille qui s'était destinée au prince. Et il dit, voilà, donc il dit, je vais être pendu. Et mon seul regret, c'est que je pourrais pas tuer le prochain. Parce qu'il a tué le prince parce qu'il voulait la nana. Et il dit, mon seul regret de mourir, c'est pas de mourir, c'est parce que je vais pas tuer le prochain que tu vas épouser. Enfin, voilà. C'est des choses, des petites histoires que moi je trouve, et la force de faire une petite histoire comme ça en 3 minutes, c'est hyper difficile. C'est un art très très difficile. En plus récent et en rigolo, c'est Old Olaf. Oui, voilà, effectivement. C'est des mecs qui... c'est ça. Je pense que c'est plus... alors après, il y a souvent l'émotion. Apollinaire parlait de Barbara. Barbara aussi, elle raconte des petites histoires souvent en quelques minutes. Alors des fois, il n'y a pas de début, pas de fin. C'est plus poétique, mais il y a parfois il y a des grandes chansons qui sont très très belles, et il faut pas croire que c'est facile à faire, c'est ça le vrai secret. Donc je comprends enfin pour pourquoi tu parlais de Moussaillon, c'est qu'apparemment on le surnomme l'amiral. Oui, voilà, il a eu un site internet tout avant son retour quand il était aux États-Unis. Il était assez précurseur sur le numérique. Le problème, c'est qu'il était précurseur en 2000 et qu'en 2012, il l'est plus. Enfin, en 2014, là, ou genre 2016, quoi, il l'est plus du tout. Et il faut qu'il se rende compte qu'il est plus précurseur. Voilà. Mais oui, oui, non, mais il avait sur les réseaux sociaux un de ses gros tubes qui s'appelle Goodbye Marilou. Il raconte c'est une idylle entre deux personnes qui se parlent qu'à travers des messageries électroniques. Alors évidemment, à l'époque, les messageries électroniques, c'est le Minitel. N'empêche que c'est très moderne, quoi. C'est un mec qui était très, très moderne. Qu'il était, malheureusement. Et c'est fini. Et pareil, c'est une découverte personnelle ou c'est vraiment... C'est la radio, là. Ouais, c'est vraiment la radio. Et c'est Mathieu, dont je parlais tout à l'heure, qui m'avait aussi fait découvrir Starmania, qui m'a dit, mais c'est plein de trucs bien, voilà, et qui m'a fait écouter plus de choses de Polnareff, quoi, de Michel Polnareff. Il va falloir que je l'invite, ce Mathieu, je pense. Ouais, il traîne sur Twitter en plus, maintenant. Il va falloir que je l'invite, c'est dingue. Mais attention, c'est un classico, ça. C'est un mec qui a un parcours classique. C'est, voilà, c'est un personnage moi, que j'aime beaucoup. C'est un de mes potes depuis la fac. Parce qu'on s'est rencontrés en fac de musique. Parce que, voilà, comme vous voyez là, j'ai fait quelques années de fac de musique. Ça ne m'a pas rapporté grand-chose à part des potes. Enfin, en matière de diplôme, j'ai fait mieux. Mais voilà, ça m'a ouvert sur de la culture. Alors, évidemment, on va me dire c'est ridicule. Tu vas en fac de musique pour découvrir Polnareff et Starmania. Oui, c'est un peu le principe. J'ai découvert d'autres choses, mais ça m'a réouvert à une musique plus large, même au jazz un peu, à plein de choses. Alors, on va changer d'homme. Ouais. On va changer de continent. On va aller sur une île. On va retourner chez les Britanniques. Encore d'ailleurs. Oh la putain. Ah bah c'est dingue, c'est incroyable, c'est continu on dirait. On va écouter Elton John avec Tiny Dancer sur l'album Madman Across the Water en 1971. Et c'est pas un live. Cette chanson a deux histoires. Alors, moi, Elton John, je connaissais comme tout le monde les gros tubes Sorry Seems to Be the Hardest Word, Still Standing, Nikita, enfin voilà, les gros tubes. Il y a un moment, Don't Let the Sun Go Down on Me avec George Michael et tout. Donc, pareil, dans la trame de Polnareff, hein, ils sont très proches hein, quelque part, hein, de la mélodie. Des arrangements, du piano, des choses vraiment, elles sont très très proches. Mais Tiny Dancer, elle a une double histoire parce que j'ai redécouvert à travers une émission qui s'appelle de Jimmy Fallon, que vous connaissez évidemment, le Tonight Show Jimmy Fallon. Et si vous avez déjà regardé des vidéos, il fait des lip sync. T'as déjà vu ça? Ouais, ouais. Et à un moment, il y a Joseph Gordon-Levitt qui fait un lip sync sur le refrain de Tiny Dancer, qu'on entendra tout à l'heure. Et j'écoute je connaissais pas le morceau d'Elton John. Et j'écoute le morceau et je me dis, putain, mais ce morceau est vachement bien, quoi. Ça m'accroche l'oreille tout de suite, je me dis, ouais, ce morceau est bien, mais qui sait, quoi. Et ça m'est arrivé deux, trois fois d'accrocher un morceau, de me dire, qui sait, de trouver que c'était. Ça m'était arrivé avec Stevie Wonder où je reconnaissais pas. Et je me dis, putain, le morceau est bien. Et tout d'un coup, tu dis, ouais, ok, bah oui, évidemment que c'est bien, quoi. Donc voilà, donc c'est un morceau qui m'a accroché sans que je sache que c'est Elton John. Et puis, il est utilisé dans un de mes films préférés qui s'appelle Presque Célèbre, Almost Famous, qui raconte justement un jeune critique dans les années 70 qui suit un groupe. Et il y a une scène dans un bus où ils se ressoutent tous au son de cette chanson. Mais regardez Almost Famous, voilà ce que faisait Joseph Gordon-Levitt dans l'émission de Jimmy Fallon. Je mettrai le lien dans la playlist. Et là, il monte et il change de chanson quasiment. Cela. Voilà. Mais Almost Famous a aussi marqué parce que c'est un gamin qui découvre le rock'n'roll des années 70, c'est ce dont on parle pas mal depuis tout à l'heure, et qui va suivre un groupe en tournée qui ressemble aux Stones, entre les Stones et Led Zeppelin, quoi. Et c'est l'histoire de Cameron Crowe, le réalisateur, qui va faire une série d'ailleurs bientôt qui s'appelle Roadies, qui a vécu cette même histoire-là. Donc, et la chanson est juste magnifique. Et donc voilà, c'est du Elton John, du piano, des chœurs, des violons, enfin voilà, ce mec-là, et voilà. Alors, pour les enfants des années 90, c'est évidemment aussi lui qui est à l'origine des chansons du Roi Lion, ce qui est quand même pas rien. Et récemment, il a mis aussi en comédie musicale Billy Elliot, c'est juste magique aussi, hein, donc voilà. Alors c'est pareil, à mon avis, il est un petit peu en période de pré-retraite, hein, parce que 70 ans, PPR, maintenant. Ouais, plutôt jeune. Hein. Il a fait sur 60 ans, et je trouve qu'il se portait pas mal. Alors, et puis la légende, hein, les tenues extravagantes, les lunettes, les costards à paillettes. Il n'a pas été anobli, d'ailleurs. Si, si, c'est Sir, absolument, c'est Sir Elton John, maintenant. Donc voilà, donc... Nous, on s'en souvient aussi parce que je dis nous, je te mets dedans, c'est ceux qui ont vécu les années 90, ados et post-ados. Il était au funérailles de la princesse Diana parce que ça a été un événement médiatique très fort. Sprout la princesse, bien sûr. Donc voilà. Donc Elton John, alors, très particulier dans un style, hein, c'est voilà, ça ressemble à du Elton John. C'est souvent très 80, 90, mais voilà. Moi, Elton John, c'est une découverte plus tardive, je dirais. Tu vois, c'est plus un moment revenir sur un artiste qu'on connaissait à travers des tubes, des standards qui lui plaisaient, mais et qui commence à percevoir qu'il y a autre chose, de replonger dedans. Cette vague 70, c'est marrant. On t'a suivi dans la découverte de la musique avec ton papa. Ensuite, un peu la libération de toi que tu as commencé à fouiller à droite à gauche. Ensuite, le métal, qui est vraiment l'adolescence et la rébellion. Et là, on revient à quelque chose de plus classique. Toi qui l'avais découvert, ou c'est encore... Oui, c'est le goût de la variété. Ce qui est très marrant, c'est que... Alors, je parlais de mon papa pour le rock, ma maman pour la chanson française plutôt sérieuse. Moi, la collision, ça fait que j'ai aimé la variété. Ce que j'écrivais tout à l'heure sur les petites chansons, j'aime la chansonnette, entre guillemets. Il y a un truc qui me plaît. Alors, j'aime autre chose aussi, mais... La variété fait partie. Je classe en... Alors, ce qu'on va appeler variété en France ou pop en anglais, hein, parce que Elton John, c'est de la pure pop. Mais j'aime la pop 70. La pop des années 60 m'ennuie, quoi. La pop des années 60, je disais tout à l'heure, c'est les Beatles. J'aime la pop un peu élaborée. Un peu, voilà. Et là, c'est vraiment une retrouvaille. Alors, j'aime pas toute la pop. Hein. Je prends que des mecs où il y a une construction. Je parlais de Paul Naref ou d'Elton John. Il y a une construction derrière très élaborée, très maligne. C'est-à-dire que j'aime la pop intelligente. Voilà, j'aime la péter un peu, mais c'est ça l'idée. J'aime cette pop-là qui plonge ses racines dans le classique, dans le rock, dans le voilà, qui va réussir à mélanger tout ça et à donner quelque chose. Mais quand j'écoute ça, il me fait penser à Supertramp. Oui, bah c'est les mêmes, c'est les mêmes époques. Voilà, moi je suis moins Supertramp, mais pourquoi pas, tu vois, je me suis pas plongé dedans non plus. Il y avait pas le côté Phil Collins. Phil Collins avait développé un son, soit tu rentres dedans, soit tu restes à côté. Moi, ça dépend des trucs, moi je suis moins Phil Collins, mais c'est ces époques-là, c'est ces mecs-là qui, à un moment, ont effectivement un peu remis au goût du jour, enfin, rechangé la pop pour lui amener quelque chose de plus intéressant, quoi. Et tu as continué dans cette pop années 70 ou tu es toujours resté très moins rock. Moins, c'est des touches, voilà, c'est des non pas spécifiquement sur la pop des années 70, mais c'est plutôt la composition. Ce qui me plaisait chez Elton John, comme chez Paul Naref, c'est les qualités de compo, c'est-à-dire les chansons, voilà. Donc c'est pas tant le courant, c'est vraiment la compo, quoi. Changer légèrement d'univers, très légèrement. Très légèrement. Très légèrement. Bah, je ne sais même pas de quelle nationalité il est, mais il n'est pas de Krypton en tout cas. On va s'écouter du cinéma. Ça fait très très longtemps que tu nous parles de cinéma, toujours avec l'arme fatale, etc. Je suis très étonné qu'il n'y en ait pas eu plus. Alors, j'ai eu ma période très BO. J'ai eu ma période où j'écoutais beaucoup de bandes originales de films. Puis à un moment, j'ai complètement lâché. Enfin, je n'ai pas lâché, mais voilà. J'ai écouté John Williams à fond. J'ai écouté... Alan Silvestri, la bande originale de Retour à le futur, voilà. Mais effectivement, c'est plus le cinéphile qui aime la musique, qui retrouve. Après, le problème, je vais me faire des potes, j'aime beaucoup John Williams. Dès que tu te mets à écouter les Russes des années 1900, du début du 20e, Moussorgski, Stravinsky... Tu es en train de m'arnaquer. Là. Non, mais alors, c'est pour te dire que... John Williams n'a jamais caché ses influences Et quand tu te mets à écouter du classique, bah, tu retrouves ces musiques de films. Kubrick prenait pas de, par exemple, Stanley Kubrick. Il y a très peu de musique composée pour Kubrick, parce que Kubrick disait, j'ai pas besoin de musique, moi. J'ai les meilleurs, j'ai Beethoven, j'ai Mozart. Arrêtez de me faire chier avec vos compositeurs, j'ai pas besoin. C'est radical, hein, bon, c'est Kubrick, hein, mais ça veut dire que voilà, lui, il estimait que ça, ça lui servait. Et effectivement, un mec comme John Williams, il est profondément ancré dans le classicisme de la fin du 19e et du début du 20e. Donc voilà, il y a un moment, j'en ai eu pas mal. J'ai toutes les BO de Harry Potter que je trouve plutôt bonnes, qui sont encore du Williams. Bon, Spielberg, voilà. Mais. Me re-arnaque. Non, mais ça m'a pas lassé, mais. Alors, ça m'a lassé jusqu'à. Et puis, effectivement, alors comme tout le monde ne se souvient pas, mais moi, j'ai écouté la BO du Roi Lion en boucle. Mais la BO du Roi Lion, c'est les chansons d'Elton John. Elton John. Mais c'est aussi la musique d'Hans Zimmer. J'ai une période Disney. Tu as lâché voilà. Le nom. Hans Zimmer, allemand d'origine, exilé aux États-Unis, je crois, ou en Angleterre. Mais là, il faudrait peut-être commencer à écouter la musique. Et Hans Zimmer, moi, m'a définitivement cueilli avec Man of Steel. Hans Zimmer, avec sur le OST de Man of Steel de 2013, justement, What Are You Going to Do When You Are Not Saving the World? Tu nous as parlé de DC Comics, tu nous as parlé de Superman. Toi, tu as aimé Man of Steel et puis surtout la musique d'Hans Zimmer. Oui, beaucoup. J'ai d'abord été cueilli par... alors, Zimmer, moi j'en ai entendu parler donc, sur Le Roi Lion. La musique où Mufasa meurt, c'est Zimmer qui l'a fait. Hein. Normalement, vous avez tous pleuré. Et puis, Pirates des Caraïbes. Alors, le thème de Pirates des Caraïbes, c'est prout-prout, mais ça marche très bien. Hein. Tout le monde l'a dans la tête. Et puis, il y a Batman, surtout. La trilogie de Nolan. Avec cette espèce de musique qui est pas très symphonique, qui est hyper bourrine par moment, mais qui colle parfaitement. Le plus gros défaut des bandes son de Zimmer, c'est que si t'as pas vu le film, des fois tu peux te demander ce qui se passe un petit peu. Une fois que t'as vu le film, elles sont tellement, tellement proches du film que c'est impossible d'oublier ça. Ça, c'est Superman, ce qu'on entend là, c'est Superman qui commence à s'envoler, qui prend une ampleur importante. Et depuis, moi, je marche, et c'est des BO que j'ai écoutés en boucle à une période. Alors là, quand j'avais mon smartphone, donc beaucoup plus récemment, et ça me fait voyager, quoi. C'est vraiment un truc où il arrive à m'embarquer. Alors souvent avec les souvenirs du film, mais avec dès que tu lis des comics ou pas d'ailleurs, avec cette musique-là, il a trouvé l'héroïsme, quoi. C'est un truc où c'est parfait. Pour ce que c'est, pour ce que ça doit être, ça colle parfaitement à ce qu'il fait. C'est calibré, c'est ça qui est dommage. Non, c'est... On voit venir à l'avant, c'est efficace. Ouais, mais c'est pas calibré facile. Alors, le paradoxe, c'est qu'il y a parfois peu de composition et beaucoup de travail sur le son. Un Zimmer, c'est un roublard parce que il fait autant de travail d'un ingénieur sonore que d'un compositeur. Parce qu'il y a des bruits, il y a des trucs, il y a des... dans la mode de Man of Steel, il y a quasiment le bruit du vaisseau qui terraforme, là, le vaisseau de Zod qui terraforme, il y a quasiment le même bruit dans la bande son. Enfin, Batman v Superman, c'est pareil. Alors, Batman v Superman, il est en duo. Ah, l'arrivée de Wonder Woman. Bon, l'arrivée de Wonder Woman, elle est magnifique, mais la BO de BVS, de Batman v Superman, il est avec Junkie XL qui a fait la musique de Mad Max. On est pour moi dans le même truc. C'est-à-dire qu'on est dans la musique qui sort un peu du tonal, qui sort un peu du classique. Alors, j'ai pas boudé mon plaisir devant la dernière BO de John Williams pour l'épisode 7. C'est plus classique. C'est du symphonique classique. Je trouve que Zimmer m'a apporté un truc, a distordu les choses parfois. le thème du Joker. Il faut écouter le thème du Joker, qui est une espèce de note si qui dure, qui est lancinante, qui est assez impressionnante. Et cerise sur le gâteau, j'ai eu la chance de voir Hans Zimmer sur scène live, qui est venu faire ses musiques à Paris au mois d'avril. C'est un personnage qui est, alors, qui est complètement imbu de lui-même. Moi, j'ai quand même un t-shirt de, avec le logo de Superman avec un Z au lieu du S pour Hans Zimmer. Ah, voilà, c'est le mec qui a fait un. Ah, oui. Je l'ai vu, je l'ai acheté, j'ai dit oui, il me le faut celui-là, tout de suite. Mais c'est un mec qui a, il a un plaisir de partager. Il était avec 20 musiciens sur scène, avec des femmes, des hommes de toute nationalité. C'est absolument génial. C'est très rare de voir un musicien comme ça diriger ses compositions, aussi bizarre soit-elle. Alors, il nous a fait du Rain Man, il nous a fait du Gladiator, il nous a fait du Batman, il nous a fait du Superman, évidemment. Il nous a fait de l'Inception, parce que c'est lui qui a inventé les booms d'Inception, ce qui énerve tout le monde. Ah, quand on est mangé voilà. Pendant des années. Il a fait la BO d'Interstellar, qui est profondément du Philip Glass, qui est un compositeur de, du XXe siècle, qui a fait de la musique répétitive. Interstellar, ça tourne en boucle. Koyanis Katsi. Donc voilà. Mais c'est un mec, moi je trouve qu'à un moment, a apporté quelque chose de nouveau. À un moment, a. Alors, qui n'est pas nouveau dans la musique, hein, parce que la musique atonale, la musique Ligeti, enfin, il y a des grands mecs de, du XXe siècle qui ont fait de la musique atonale, qui ont fait de la musique spectrale. Voilà, vous cherchez dans YouTube un jour, que ce soit Ligeti, que ce soit Stockhausen et tout, je vous préviens, vous allez avoir des surprises. Hein. C'est un peu spécial. C'est de la musique contemporaine, ce qu'on appelle, ce qui est idiot, parce que c'est de la musique des années 50, maintenant 60, 70, 80, mais c'est de la musique savante contemporaine, et c'est hyper chelou, très souvent. Mais voilà, et Zimmer a réussi à mélanger tout ça pour. À un moment, donner une espèce de truc au film qui est complètement viscéral. Moi, je suis sorti de Man of Steel. Il y a des moments de Man of Steel, c'est d'un bourrin. Voilà, il y a des moments où tu prends des coups. Il y a une session de, dans la musique de Man of Steel où il y a 12 batteurs, avec 12 batteries, voilà, qu'il enregistre en même temps. Voilà, c'est une espèce d'effet complètement fou, mais voilà. C'est vraiment. Voilà, moi, c'est vraiment un mec qui m'a marqué et que j'écoute maintenant très régulièrement. Alors, il quitte le monde super-héroïque, c'est-à-dire qu'il arrête de faire des films de super-héros. Batman v Superman, c'était son dernier. Ce sera Junkie XL, donc le mec de Mad Max pour Justice League. Je ne sais pas ce qu'il va faire, mais voilà. Ce qui ne va pas être dégueulasse. Ah non, c'est très bien. Pour moi, ils sont. T'as du mal à faire la différence entre les morceaux tous les deux sur Batman v Superman. Mais voilà, donc c'est un mec. Je trouve, et qui est parti du classique, hein. Il n'y a pas de secret. Hein. Vous écoutez, je maintiens To Die Land, qui est de la, le morceau de la mort de Mufasa dans Le Roi Lion. C'est extrêmement classique, mais c'est tellement beau. Voilà, le thème de Pirates des Caraïbes, moi j'ai vu sur scène, tout, à la fin tout le monde est en feu. Hein. T'es obligé, quoi. Le machin, c'est. Voilà. Alors évidemment, il n'est pas tout seul, hein, mais il y a les mecs qui disent oui, c'est des écoles, il a des mecs qui bossent pour lui. Non mais arrêtez, il n'y a aucun compositeur au monde qui bosse tout seul, hein. Ça n'existe pas ça. Des compositeurs classiques, t'as des mecs qui font des thèmes qui sont, et parfois c'est pas orchestré par eux. Même Williams, à mon avis, il a des aides. Ça veut pas dire qu'ils sont mauvais, hein. Ça veut dire que c'est un travail d'équipe aussi, hein, quel qu'il soit. Hein. Alors, je vous mettrai la photo du t-shirt. T'as trouvé ? Le fameux t-shirt. Oui, je l'ai trouvé. Ah non mais, honnêtement, ça fait longtemps que j'avais pas acheté de t-shirt en concert parce que on est un peu gogo en concert, mais on achète des programmes ou des trucs ou des machins. Sauf que. Puis à un moment, au bout d'un moment, à 30 balles le t-shirt, tu dis ça déconne quand même. Putain, j'ai vu celui-là, je dis mais obligé, il me le faut quoi. 22 livres obligé, quand même. Obligé quoi. Alors je te dis, le mec il a un ego ouf quoi. Enfin, c'est, mais à la fois, il est. Voilà, moi j'accepte les égos démesurés quand les mecs sont géniaux et je pense que ce mec-là est génial. Ah, mais je crois que le t-shirt il va me faire ma soirée. Ah, mais c'est formidable le Z à la Je me suis baladé avec il n'y a pas longtemps, je me balade avec de temps en temps. C'est très drôle parce que les fans de comics voient tout de suite qu'il y a un problème. Ils disent non, c'est pas ça. Les, honnêtement, les non-fans de comics pensent que sont tous persuadés que c'est un t-shirt de Superman. Hein. Voilà. Et ça m'arrive de croiser des fans de comics, notamment d'ici, et les mecs te disent ah, il est chelou ton t-shirt là, c'est qu'est-ce qui se. Voilà. Mais tu es donc un fan de DC et ça date pas de. Bah, c'est très récent finalement. DC, moi, je. Arnaud. Bon, Arnaud, c'est mon frère, donc lisait des comics petits, lisait du Marvel, du DC, bon, du Strange, donc plutôt du Marvel d'ailleurs. Puis il avait Dark Knight Returns, qui est un classique de chez DC. Moi, je lisais un peu de comics, puis ça m'a un peu lassé. Et puis, au moment d'Urban Comics, j'écoutais à l'époque une émission qui s'appelait Culture Background, Breakdown, qui n'existe plus, qui est oui, Feu Culture Breakdown, qui était des fans de comics, et qui m'ont un peu donné envie de me remettre aux comics. Et puis, effectivement, le travail d'Urban, c'est des beaux livres et tout, et je me suis replongé dessus. Et au même moment, on m'a prêté du Marvel, ça m'a fait chier. Mais c'est chiant, moi, j'ai pas du tout aimé lire. J'ai aimé Avengers, hein. Je ne boude pas mon plaisir. Je commence à me lasser un peu de la formule. Voilà. Alors que DC, j'ai adoré la trilogie Nolan, j'ai adoré Man of Steel, je crois qu'il y avait un autre truc, ça me plaisait. Donc l'ensemble, effectivement, je me suis plongé dans le DC Comics. J'espère que c'était pas Green Lantern. Alors le film, non, parce que le film est une merde, sauf que tu te dis, putain, l'univers, ça a l'air sympa. Et après, voilà, le seul point positif du film, c'est que tu te dis, l'univers a l'air bien sympathique. C'est un univers très barré, avec des chats, des chats qui parlent, des planètes qui ont des anneaux, enfin, c'est un peu n'importe quoi, mais c'est du space opéra, ce qu'est les Gardiens de la Galaxie un peu, mais voilà, dans cette idée-là. Et donc, je me suis mis à lire du DC, maintenant, je suis un gros amateur de DC, qui m'a fait découvrir d'autres choses après, en matière de livres, je dirais. De comics américains ou pas d'ailleurs, mais voilà, donc ouais, je suis resté très d'ici et moi j'ai aimé Batman v Superman et j'attends Justice League avec impatience et la musique évidemment. Non mais merde, l'entrée de Wonder Woman, je suis désolé, c'est pas ouf ça, hein, on s'est vu ça avec des potes il y a quelques jours là, parce qu'on a récupéré mon oncle américain m'a envoyé la version numérique. C'est génial quoi, ça va être et effectivement la musique. C'est énorme, hein. c'est boum boum, c'est de la guerre. Bah oui, mais c'est la guerre, hein. c'est un peu la déesse de la guerre à un moment, Wonder Woman. Faut pas tout le temps, mais c'est une guerrière, c'est une Amazone quand même. Donc voilà, c'est ce dont je parle, où il y a un truc à un moment qui est extrêmement fort et qui est poussé dans le cinéma de Snyder et le cinéma qui fait DC, qui est poussé très loin, et ça, moi j'aime. Alors, on parle de conte, on parle d'histoire, tu aimais les comédies musicales, et ça tombe très bien. En plus, dans l'actualité, vu qu'on va s'écouter maintenant l'intro de Into the Woods, en 2014, un film musical réalisé par Rob Marshall, lui-même une adaptation de la comédie musicale du même nom, créée à Broadway en 1986. Alors bon, ça va être peut-être un petit peu long. Once upon a time, in a far-off kingdom, there lay a small village at the edge of the woods. I wish... And in this Pourquoi village, une comédie musicale more than anything, lived a young maiden. Pour tout ce que j'ai décrit tout à l'heure, ça, pour toute l'explication. Je regardais ça. Moi, j'avais des bons souvenirs. J'aimais Singing in the Rain, par exemple, le film qui parle de comédie où ça chante. On a tous regardé des Disney. Des Disney passaient leur temps à chanter, hein, souvent. Il y en a que ça énerve, mais il y a des. Voilà, le Roi Lion, ça chante. Il y en a des biens. Il y en a, c'est vraiment pénible. Et puis, alors en français, on a Jacques Demy qui a fait Les Demoiselles de Rochefort, Les Parapluies de Cherbourg. Que moi j'aime bien, un pot d'âne. Ça me tournait un peu autour, voilà. Et là je vais être obligé de raconter un peu ma vie, mais donc Mathieu, dont je parlais tout à l'heure, et un copain en 2001, le père du copain était prof de musique et montait des comédies musicales avec ses élèves de collège. Nous on était en fac. Et le pote nous a dit, venez, on écrit une comédie musicale, moi j'ai une histoire, on écrit une comédie musicale. Il me dit, tiens, viens avec nous, toi tu vas écrire les textes. Ah oui. Et donc me voilà à écrire une comédie musicale avec les copains, et donc on a écrit une comédie musicale complète qui s'appelle Nocturia, qui a été jouée par des collégiens, qui a bien plu. Puis on s'est dit, il faudra qu'on refasse ça un jour quand même, 2001. Et puis on a tous pris des chemins un peu différents. Alors il y en a un qui est devenu trompettiste chez Obispo cette année par exemple. Enfin, il est trompettiste professionnel et cette année là il est en tournée avec Obispo. Mathieu est devenu prof de musique, moi j'ai fait autre chose. Oh, c'est moche. Il enseigne la flûte. Non, il fait pas de flûte, Mathieu. Au contraire. Ouf. Et bien justement, depuis qu'il est prof de musique, il a dit, je vais refaire des comédies musicales. Et l'année dernière, on a refait une comédie musicale. Et cette année, on en fait une l'année prochaine. Alors l'année prochaine, on remonte Starmania. Mais l'année dernière, on a fait une comédie musicale créée de toutes pièces, avec une histoire que là, moi, j'avais inventée. Voilà. Et donc, en refaisant, on a fait ça. Nous, moi, je connaissais à peine Starmania et très peu d'autres choses. Et tout. Ben, je me suis plongé dans la comédie musicale à un moment. Je me suis dit, pour en écrire, ça aide bien un peu d'en connaître et tout. Et... via une émission sur radio, sur France Musique, qui s'appelle 42e rue, le dimanche matin, qui parle de comédie musicale pendant une heure, que j'ai podcasté. On a le droit de dire ça ou on se fait engueuler ? Non. Qu'est-ce qu'il dit, Phil Good ? On n'est pas chez Walter, tu peux y aller. On n'est pas, voilà, on est ni chez Phil Good, ça va, c'est bon, tu peux y aller. Bref, que j'ai découvert comme ça, et l'intérêt, c'est que j'ai pu me refaire un an complet de l'émission, et j'ai découvert notamment Into the Wood. Alors là, Into the Wood, qui a été adapté par Disney. Parce que Disney adapte, c'est un peu son rayon de faire ce genre de choses. C'est une comédie musicale écrite par Stephen Sondheim, qui est un peu c'est le côté intello de Broadway. C'est le côté un peu intello de Broadway souvent. Into the Woods, c'est 15 minutes au début du film qui te présente 6 personnages et à la bout des 15 minutes, ils sont parfaitement présentés. Et ils ont tous un objectif différent, mais ils chantent tous la même chanson. C'est hyper brillant. Et il n'y a que dans les comédies musicales. Et là, moi, je retrouve mon plaisir de raconter des histoires, de me faire raconter des histoires quand j'en regarde. Et de pouvoir, par exemple, avoir deux personnages qui ont deux sentiments différents, qui les chantent en même temps. Et toi, tu comprends qu'il y a deux sentiments. Enfin, voilà. On parle souvent d'art total. Ça veut dire qu'il y a un moment où ça chante, ça danse, parfois. Il y a de la musique, il y a du texte. Enfin, voilà. C'est un espèce de truc. Et ça, moi, en replongeant là-dedans, je prends un plaisir. On peut aborder n'importe quoi. Pour vous donner une idée, alors il y a les Tony Awards aussi qui sont redevenus connus parce que Neil Patrick Harris, bah oui, Barney de How I Met Your Mother, à présent Dr. est un mec qui... Dr. Horrible, ça chante. Hein. Ah mais c'est formidable. Voilà. En comédie musicale, on fait bien plus de choses que West Side Story, qui est formidable. Hein. West Side Story, c'est juste génial. Mais aujourd'hui, on fait plein d'autres choses. Aux Tony Awards, qui sont les Molières américains où sont récompensées les comédies musicales, en 2015 ou 2014, les Tony Awards, elle a une comédie qui s'appelle Fun Home où c'est une petite fille qui découvre son homosexualité en même temps qu'elle découvre celle de son père. Toi, le sujet bien... Mais un peu hard quand même. Hein. Voilà, cette année, c'est Hamilton qui a cartonné. Obama est allé voir Hamilton, qui est une comédie musicale sur un fondateur des États-Unis, un des pères fondateurs, mais qui était issu des Caraïbes. C'est la première fois qu'il y a une comédie musicale où le casting est quasiment 100% afro-américain. Il y a des files d'attente démentes. Le créateur vient de partir du show parce qu'il va faire autre chose, mais il a laissé son rôle parce que le show continue. Pour sa dernière, lui, le créateur, qui était le chanteur principal, il y a des billets qui sont échangés à 20 000 dollars pour la dernière. Ouais, d'accord. Voilà. Donc, il y a une richesse de performance, il y a une richesse de thème. On peut tout aborder, on peut tout faire. Et voilà, il y a un truc absolument génial à voir. Et il y en a pour tous les goûts, c'est-à-dire qu'il y a Chicago qui a été adapté. Alors, moi, j'y suis venu par le cinéma, il n'y a pas de secret. Hein. Voilà, Into the Woods, j'ai découvert au cinéma. Après, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, d'aller voir ça sur scène, il y a autre chose. C'est aussi fort. Moi, j'ai vu Singing in the Rain sur scène qui a été monté au Châtelet. Voilà, c'est un truc où vraiment, faut faire les deux. Quoi. Mais le cinéma est quand même un outil formidable. Au Broclash à Podrenne, on a parlé des Misérables. Alors qui fait débat mais qui est intéressant à voir, c'est un autre style. Il y a le Fantôme de l'Opéra qui se rejoue à Paris à la rentrée, le Roi Lion était adapté en comédie musicale, Billy Elliot, donc il y a mille choses à voir et moi je trouve que c'est un art vraiment génial. Alors voilà, j'ai la chance avec Mathieu d'en faire, voilà, pour l'instant c'est fait à destination des collégiens qui sont très contents, mais on se fait ça nous très sérieusement comme si on les faisait pour des adultes, on ne se pose pas de questions et ils sont contents et ça leur montrait. Alors on va me dire, oui, c'est aussi M. Pokora qui fait Romain Desbois. C'est vrai, M. Pokora, c'est Romain Desbois. Après, il faut différencier, mais c'est comme après, dès que tu rentres un peu dans le détail, dans la spécialisation, t'as des spectacles musicaux, ça veut dire que les chansons font pas forcément avancer l'intrigue. Romain Desbois, c'est ça, par exemple. C'est un concert pop avec un petit fil conducteur vaguement. La comédie musicale, ou comme Into the Woods, c'est vraiment chaque chanson fait avancer l'histoire. C'est beaucoup plus. Voilà. La culture de Broadway n'est pas celle de l'Europe. Voilà, l'Europe. C'est-à-dire que ça, la France, c'est pas parce que dans les Londoniens font ça. Comment dire mince, comment ça s'appelle le temps des cathédrales, toutes ces conneries. Alors, Notre-Dame de Paris. Starmania, voilà. Par exemple, c'est pas une super comédie musicale. J'adore les chansons. Ça raconte pas grand chose, il se passe pas grand chose dans Starmania. Le temps des cathédrales, le Notre-Dame de Paris, moi je l'ai pas vu en entier, c'est hyper long, c'est un peu chiant, et surtout musicalement, c'est pas très varié. Quoi, voilà. Je suis un peu dur, j'ai pas de problème. Hein. Plamondon et Richard Cochiante, donc ils sont le compositeur Cochiante et Plamondon le parolier, qui avait fait Starmania mais qui a fait Notre-Dame de Paris, il a dit dans une interview au Parisien il n'y a pas longtemps, non mais nous on n'est pas très Broadway, on se situe plus entre le Carmen de Bizet et le West Side Story. Quoi. Le mec il a eu un melon, mais il dit attends Luc, pendant Notre-Dame de Paris, quoi, c'est, non faut pas, quoi, c'est un peu, voilà. Alors il y aura du déchet, hein. Goldman d'ailleurs est sur un spectacle musical, bon, c'est annoncé comme un spectacle musical, c'est pas annoncé comme une comédie musicale, donc les deux termes commencent à apparaître un peu différemment, mais voilà, je trouve que c'est une richesse de trucs. Alors faut apprécier, il faut passer le truc le plus difficile comme dans Disney, ça veut dire accepter que des personnages sont en train de chanter alors que pour eux ils chantent pas, quoi. C'est ça le plus difficile. C'est de voir des personnages qui se mettent à chanter et il y a qu'eux qui savent qu'ils chantent, c'est-à-dire que pour eux ils chantent pas, quoi. Ah, c'est spécial ça. Voilà, il y a des Disney où ils chantent vraiment. Et là c'est logique. Ouais, dans mais non, parce que la petite sirène elle a aucune raison de chanter. Dans oh putain, ça va devenir un peu spécialisé. Robin des Bois, il chante tout le temps, mais là il y a une bonne raison de chanter à un moment ou à un autre. Oui, hein. Parfois oui, mais parfois il chante parce que voilà, le livre de la jungle, pas pourquoi il chante, hein. Enfin, ils ont pas de raison de chanter. Oh, le roi Louis, je suis désolé. Ouais, mais voilà. Non, mais c'est un truc. Alors le pire, c'est ce que faisait Jacques Demy avec les Demoiselles de Rochefort, ou alors plutôt les Parapluies de Cherbourg plus que les Demoiselles de Rochefort, parce que les Parapluies de Cherbourg, c'est tout le temps chanté. C'est-à-dire quand t'as un personnage qui rentre dans le magasin de parapluies, il dit bonjour, donnez-moi un parapluie, il chante comme ça. Moi, j'ai une copine à moi qui a vu ça, qui m'a dit c'est insupportable, quoi. Il parle jamais, non, il chante. C'est un autre style. Le comédie musicale maintenant, il y a des parties théâtrales souvent, voilà. Voilà, après voilà, je trouve qu'Into the Wood est une bonne entrée en matière de, en plus c'est plein de contes connus qui se rencontrent. Il y a Réponse, Cendrillon, Le Petit Chaperon Rouge, La Femme du Boulanger, alors qui est pas un conte, mais voilà, il y a tout un tas de contes qui se mélangent. Jack et l'Haricot Magique, et notamment il y a une très belle scène entre deux princes où les mecs se disent c'est une scène où ils chantent tous les deux, ils se montrent un peu comment ils pécho très bien tous les deux, toi. Ils font une espèce de concours de prince à qui péchora le mieux. Et c'est assez. T'as des bons trucs, par exemple, t'as le fait que le prince dit on m'a appris à être charmant, pas à être sincère. Quoi. Voilà, donc c'est un peu. Oh, d'accord. Il y a des petites blagues pas mal. Et le prince est joué par Chris Pine, qui est l'actuel Captain Kirk. Voilà. Donc c'est à voir. Voilà. Après, voilà, je comprends qu'on puisse rester à côté, mais je trouve que moi, c'est un truc. Quand on rentre un peu dans les contraintes, enfin, pas les contraintes, mais qu'on accepte le code, c'est vrai qu'il est de dire, bah, il chante, voilà, c'est comme ça. Bah, après, ça barre, c'est vachement sympa, quoi. Mais il faut vraiment accrocher ce style de. Alors, ouais, musicalement, Hamilton est un bon exemple, parce que si vous traînez sur Twitter, en ce moment, tout le monde parle d'Hamilton, beaucoup. Hamilton, c'est très, très rap. Très hip hop, on n'avait jamais vu ça en comédie musicale, quoi. C'est encore, donc il y a encore plein de choses à faire, quoi. Vous avez vu School of Rock, qui est un film, ça dit quelque chose, avec Jack Black. Oui, avec Jack Black, ouais. Voilà, ça va être adapté en comédie musicale par le monsieur qui a fait Le Fantôme de l'Opéra. Oula. Voilà, on ne sait pas ce que ça va donner, mais le mec il y va, quoi. Voilà, on peut tout faire. Le truc, c'est qu'il faut pas. Alors, il y a du classique, hein. Il y a des choses classiques dans le sens West Side Story, toi, qui est un truc ouais. Hyper standard. Mais voilà, mais il y a un truc, faut. Je pense qu'on peut trouver à son goût. À partir du moment où on accepte des gens qui chantent et qui dansent un petit peu, on peut trouver des choses à son goût en comédie musicale. On se retape pas une comédie musicale bouffée de partout tous les ans en France. Je trouve ça pénible. Alors. Le problème, c'est que ça a marché. C'est-à-dire que Mogador, le théâtre Mogador qui est à Paris, a été racheté par une boîte de comédie musicale, carrément. Ah oui. Et du coup, ils ont fait Le Roi Lion, qui a été un carton. Ils ont fait, là, ils viennent de faire Cats, qui a été un carton. Ils font Le Fantôme de l'Opéra. Et comme disait dans une de ses dernières vidéos, Pivinova, que fait l'industrie quand il y a un truc qui marche? Est-ce qu'elle cherche autre chose pour faire découvrir autre chose, ou est-ce qu'elle se rue dans le truc? Eh bien, ils se ruent dans le truc. Donc on va avoir un entonnoir avec plein de projets, avec des trucs qui vont être mornés, qui vont être de la merde. Voilà, on a eu les Trois Mousquetaires. Voilà, on a un truc qui s'appelle Le Rouge et le Noir qui a l'air un petit peu mieux. Voilà. Alors après, le problème, c'est qu'une vraie comédie musicale, Into the Wood en est un exemple en film. Chicago, faut voir Chicago qui est aussi un film de Rob Marshall avec Renée Zellweger et Catherine Zeta-Jones. Ça danse. Nous en France, pour danser, c'est plus compliqué. On n'a pas la culture de ce truc-là. On n'a pas la culture de chanter et danser en même temps. Voilà, l'exemple de Drame de Paris, ni Garou, ni Patrick Fiori, ils n'ont jamais bougé leur cul. Hein. Ce n'est pas le propos. Hein. C'est dommage. Donc, il faut voir ce que ça va donner, mais il y aura du déchet. Mais après, le public français commence à aller voir des comédies musicales comme Cats. Je rappelle que c'est quand même pendant une heure et demie des chats qui dansent. Hein. Voilà, c'est ouais. Juste magnifique, c'est très poétique, mais le public français commence à intégrer, et il y a moyen de leur faire faire des choses françaises Il y a des spectacles musicaux français qui vont émerger, qui vont être intéressants, qui vont être ni des parodies de Broadway, ni des parodies du West End, qui est la partie comédie musicale de Londres. Voilà. Et puis après, c'est bien qu'on ait des spectacles londoniens, des spectacles américains. Mais par exemple, la question à se poser, c'est est-ce qu'il faut traduire les comédies musicales ou pas ? Ah oui. Mais voilà. Est-ce qu'on traduisait des opéras ? C'est une très bonne réflexion. Un jour, on aura la discussion avec Apollinaire, ça vaudra le coup. Non, on surtitre les opéras. En italien, ça va être pénible. On surtitre les opéras, absolument. Après, la comédie musicale a vocation à être plus populaire. Comme un film en VO, on va me traiter de snob, de parisien, tant pis, j'assume. Si t'amènes Madame Michu du fin fond de la Creuse voir un film en VO sous-titré, elle va t'envoyer chier. Parce que c'est compliqué, il faut lire en même temps et tout. Madame ou Monsieur Michu, hein, je m'en fous, mais. On va te dire que le surtitrage, le sous-titrage, pareil, hein, c'est réservé à une espèce d'élite, un truc, un machin. Je suis sûr que t'as eu le débat un jour VO-VF avec quelqu'un. Oui. C'est un truc bateau, les mecs te disent ouais mais je comprends pas, moi j'arrive pas à lire en même temps. Alors t'imagines au théâtre, bon, en plus faut regarder les trucs qui se passent sur scène, il faut lever le nez et tout, là c'est encore pire. Je l'ai fait. Donc voilà, mais le débat est vraiment intéressant sur voilà. Mais l'ambiance dans ces salles, est-ce qu'on est vraiment on est très très loin de l'ambiance rock? Est-ce que c'est encore une annonce très studieuse ou alors on peut avoir quand même des éclats de rire à certains moments? Non, t'es censé applaudir souvent quand c'est... Alors, ça dépend le style de la comédie musicale. Sondheim a fait un truc qui s'appelle Passion, qui est hyper dramatique, où là, tu t'applaudis qu'à la fin. On est dans un truc qui tend vers l'opéra, voilà. Sinon, tu t'éclates, t'applaudis, tu tapes des mains. Moi, j'ai vu Résiste. Alors, Résiste, c'est ce qu'on appelle des comédies musicales jukebox. C'est-à-dire des comédies musicales avec plein de morceaux d'artistes. Vous avez eu Mamma Mia comme ça au cinéma aussi. Qui était fait sur ABBA, bah t'applaudis tout le temps parce que voilà tu reconnais les morceaux, voilà donc non sur la comédie musicale Broadway t'applaudis, t'as une salle qui marche, qui fonctionne quoi, qui réagit comme un spectacle, comme un concert quoi, quelque chose, on est plus proche du concert que de l'opéra. Ça dépend. Alors après c'est entre les deux, c'est très particulier. Et souvent un public de comédie musicale, moi je l'ai vu, il est perdu, c'est-à-dire qu'il ne sait pas quand est-ce qu'il doit applaudir. Parce que quand l'histoire continue, que la chanson elle a eu lieu, que la chanson s'arrête et que l'histoire continue, qu'est-ce que tu fais? T'applaudis, t'interromps l'histoire. Donc il y a plein, tu ne sais pas. Quand c'est un gros tube, ils y vont. Ils sont comme des oufs. Quand t'as Memory, qui est le tube de Katz, ils applaudissent à la fin parce qu'ils sont contents, ils ont reconnu et tout. Sinon, c'est plus compliqué. Quoi. Ah, c'est pas du tout la même chose. Ça va arriver vraiment dans la culture française, ça, tu penses ? Doucement, je pense que le problème, c'est que c'est bateau. Hein, plus tu y arrives. Quoi. Il y a 15 ans, 20 ans, je pense que le cinéma japonais, personne ne voulait en voir. Quoi. Le cinéma asiatique, c'était hyper compliqué. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. C'est plus facile de vendre du cinéma asiatique aujourd'hui. Je te prends un exemple qui, toi, à mon avis, a te parlé dans mes souvenirs. Avant Princesse Mononoké, expliquer aux distributeurs français, regardez, j'ai trop de Totoro, et encore je suis gentil avec Totoro, ou j'ai Princesse Mononoké, c'est des dessins animés, faites gaffe, c'est peut-être pas que pour les enfants, ça n'avait aucun sens. Les mecs se disaient, bah ouais, je comprends pas, c'est du dessin animé, les mecs, il y a des têtes coupées dedans, c'est bizarre. Totoro, le mec, tu regardes Totoro, tu dis, c'est pas un peu la mort, c'est pas un peu l'ange de la mort qui vient. Enfin, c'était très compliqué à appréhender. Aujourd'hui, le public français, il en a vu suffisamment pour comprendre à quel moment il voit des films d'animation japonais qui ne sont pas des Disney. Hein. Mais ça a été un apprentissage, il a fallu qu'il en voit. Donc plus le public français en voit, plus il va apprendre à en voir. Et puis il y aura toujours du déchet, du truc. Mais moi je suis content qu'il y ait un vivier qui se crée. Alors je ne dis pas que j'aimerais pas un jour en faire partie de ce vivier, mais en tout cas il y a un vivier qui se crée où ils ont pu voir Cats, faut voir les classiques vraiment. Si tu ne vois pas Cats, si tu ne vois pas le Phantom de l'Opéra, si tu ne vois pas West Side Story, c'est compliqué d'aborder d'autres choses quoi. Parce que Cats, ça me tenterait bien une fois, j'en ai tellement entendu parler de ce truc. Après, il faut comprendre que c'est de la poésie, mais moi, je l'ai vu, j'ai eu la chance de le voir peu de temps avant sa fermeture à Paris. Il se balade dans à un moment, les chats, les maquillages sont magnifiques. Ils se baladent dans les salles, dans la salle, ils sont dans les rangées parfois. Donc, tu as une immersion, c'est très poétique, c'est très beau, voilà. C'est très, très drôle. Non, c'est... Après, Après, c'est comme les films, hein. Et des fois, tu vas rentrer dans le truc, puis des fois, tu vas dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça parle pas du tout, quoi. Voilà. Le Hamilton, qui est un carton aux États-Unis, c'est l'histoire d'un des pères fondateurs. Moi, je pense pas qu'en France, le machin, il marche aussi bien, parce que nous, les pères fondateurs américains, on en a un peu, enfin, on en a pas rien à foutre, mais ça va beaucoup moins nous parler, quoi. La question de la ségrégation, de trucs comme ça, je sais pas que ça. Évidemment, ça arrive en France, mais nous, il faut qu'on le raconte d'une autre manière, à notre manière, peut-être. On n'a pas eu une comédie musicale de Gaulle. De Gaulle, non, voilà, par exemple. Voilà. Alors là, ils sont en train de travailler sur un spectacle musical, sur la Deuxième Guerre mondiale, sur la libération, sur les trucs. Ce qui, nous, à un moment donné, on va s'en payer un certain nombre, parce que voilà, c'est l'histoire française qui a envie d'être racontée. Alors, les Trois Mousquetaires, ça a l'air d'être une grosse daubasse. Le problème qu'il y a, c'est que moi, dans les morceaux que j'écoute, parfois, parce que mon fameux Deezer, il me propose des morceaux de comédie musicale comme j'en écoute, au bout de 2 minutes, les orchestrations sont tellement laides, ça se veut tellement R&B moderne, truc moderne avec des batteries de chiottes, c'est inécoutable, quoi. C'est vraiment... je dis pas que la comédie musicale, elle doit coller à son style. C'est pas parce que tu fais un truc avec les Mousquetaires que ça doit sonner comme dans la musique des Mousquetaires. Pas du tout. Mais enfin, vraiment, ils ont fondé... T'as l'impression qu'ils taillent tous ça pareil, comme des morceaux d'M. Pokora. Bon, j'ai rien contre M. Pokora, un garçon qui a l'air très sympathique... mais le problème, c'est que cette espèce de musique hyper calibrée, avec toujours les mêmes rythmiques, les mêmes sons de batterie et tout, bah non, quoi, non, non. Ça passe pas du tout. Non, je trouve que c'est vilain, quoi, ça me donne pas envie d'écouter le truc, quoi. Alors je maintiens, il y a un truc sur le rouge et le noir, tu vois, ils ont adapté le rouge et le noir, très français ça comme idée d'ailleurs, avec un des mecs de The Voice. Alors, à voir, voilà. Après, bon, les mecs de The Voice, moi j'ai jamais rien contre les radios crochets. Hein. The Voice, en plus, ils font que de la reprise. Je trouve ça moins con que la Star Academy. À voir, ça dépend qui l'écrit, parce qu'il faut bien imaginer qu'un spectacle, une comédie musicale ou un spectacle musical, il y a un mec qui l'écrit, qui écrit le livret, donc l'histoire. Il y a un mec qui peut écrire la chanson, des fois, c'est pas le même. Il y a un mec qui écrit la musique, il y a un mec qui le met en scène. Et il y a des interprètes. Voilà, ça fait un truc, mais Le Roi Soleil est un truc très français... moi, alors je ne l'ai pas vu, je pense que je serais un peu plus indulgent de base. Bon, après, moi, Christophe Maé, il me saoule. Mais à la rigueur, moi, le truc, c'est qu'il faut que c'est une identité, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que ce n'est pas l'air d'être le truc d'à côté. Après, on peut accrocher ou pas, mais à un moment, il faut que c'est une identité, un style, que, voilà, où à un moment, ça marche ou pas. Alors, il y a une période, c'était produit par les 4 mêmes mecs. Il y avait Atia, il y avait... je me demande si Manoukian n'en a pas fait aussi et tout, où les mecs, ils produisaient un peu tous le même truc. Bah, ça, c'est pas bien. Bon. Tu nous as prouvé ton goût pendant plus de 2 heures aujourd'hui. Ah là, c'est le moment difficile, là. C'est le moment très difficile. Ça va être même le moment de la honte. Ce sera ta honte à toi. Vu que, comme le veut la tradition, je ne vais pas prononcer le nom de cette chose. C'est toi qui vas la dire. C'est moi ? Oui, c'est toi qui vas la dire. Donc, je le dis avant que ça se lance, c'est ça ? Bah, vas-y, tu peux y aller. Donc, nous allons écouter Michel Sardou avec le France. Alors moi, personnellement, je me serais attendu au lac du Connemara. Non. Parce que c'est énorme. Je suis désolé, tout le monde le connaît, les lacs du Connemara. Mais non, le France. Je préfère le France. Alors pourquoi le France ? Non, on laisse Michel 5 minutes quand même. pas 5 minutes. Quand je pense à la vieille anglaise. Tiens, on vit aux anglais, tiens. Qu'on appelait... Bon, vous connaissez ? Ah bah oui. Alors, Michel Sardou, j'ai un vrai problème. J'ai un problème, c'est comme j'ai expliqué au début de l'émission, donc quand je suis né, mes parents étaient des militants communistes. Ah oui, ça pique. Donc on est dans une famille de sensibilité à gauche. Faut bien imaginer que Michel Sardou passait pas à la maison. Hein. Voilà, hein, oui. Ça posait des problèmes. Sauf que moi, à un moment, quand je découvre la variété française, j'expliquais les petites histoires racontées très vite. Michel Sardou, il a fait plein de bonnes chansons. Il a fait La Maladie d'amour, alors c'est un gros tube, mais il a fait Mes chers parents, je vole. Il a fait des petites chansons qui sont des petites histoires. Les lacs du Connemara, le mec, il fait 7 minutes sur une histoire de mariage catholique. C'est oufissime, quoi. Alors d'abord, c'est un bon chanteur. Quelqu'un qui a une voix, qui avait une voix, mais maintenant. Bon. Sauf qu'effectivement, c'est un copain de Chirac. Donc c'était un personnage en plus un peu sulfureux politiquement. Mais moi, je le défends. Je le défends, il n'y a pas besoin de moi, mais... d'abord, c'est un mec qui fait des bonnes chansons. Pas toutes, hein. Il y a des chansons qui sont pas bonnes, tous. Je connais pas suffisamment la carrière de Sardou pour dire que j'aime tout. Hein. Non, il y a des chansons que j'aime bien. Pour le côté la petite histoire, voilà. Pour le côté... À un moment, il te raconte un petit truc. très émouvant. Voilà, il y a un moment où il parle d'homosexualité, il va parler, enfin il va aborder plein de trucs, souvent social d'ailleurs. Il va beaucoup plus aborder des sujets de société qu'un Goldman, par exemple, oui. Frontalement. Mais le truc, c'est quand moi, on me dit à moi, oui, mais c'est un chanteur de droite et tout, je leur dis, attendez. Il a été interdit de radio par le général de Gaulle. en 67, je crois, 68, avant 68, de Gaulle dégage les Américains des bases de l'OTAN de la France. Il dit aux Américains, maintenant, vous rentrez chez vous avec les bases de l'OTAN, c'est plus un pays occupé, hein, enfin, vous terminez, vous rentrez chez vous. Donc, au moment où il fait ça, Sardou chante « Si les Ricains n'étaient pas là, nous serions tous en Germanie ». De Gaulle dit « Interdit de radio ». Bon, déjà pour un chanteur de droite, être interdit par De Gaulle, c'est un peu particulier. Le France qu'on entend là, c'est une chanson qui a été chantée par les militants communistes à Saint-Nazaire, par les ouvriers qui avaient construit le bateau, ouais. Qui était vendu. Donc, pareil, un chanteur chanté par les ouvriers métallo-communistes des chantiers de Saint-Nazaire pour un chanteur de droite, c'est pas terrible. Il a abordé l'homosexualité dans des chansons. Enfin, le problème, c'est que... Alors, évidemment, il a un moment, il fait une chanson qui s'appelle « Je suis pour » au moment où on abolit la peine de mort. Oui. « Je suis pour et pas pour la peine de mort », elle raconte l'histoire d'un père à qui on a tué son fils et qui dit « Moi, je suis pour que moi, je vais tuer ce mec. » Enfin, voilà. Mais il a toujours été en permanence dans l'ambiguïté. Il s'est toujours roulé dedans, quoi. Il a jamais clarifié rien, ça n'intéresse pas. Faut le voir, il a fait une interview un jour absolument hilarante où il démonte tous ses succès. Où il dit, mais vous rendez compte, 7 minutes sur les lacs du Connemara, quand l'autre il m'a amené ça, je lui dis, mais tout le monde s'en branle de ton truc, là, arrête de me faire chier que t'es lacs du Connemara. Enfin, c'est un personnage, alors après, je dis pas qu'il est fréquentable ou pas plus que ça, mais c'est pas le méchant qu'on veut bien croire, quoi. Quand il chante Les Colonies, alors voilà, on l'a tapé dessus sur le temps des colonies, faut arrêter de croire que c'est du premier degré, c'est pas possible. Personne, tu peux pas chanter une chanson comme ça au premier degré, c'est pas possible. Enfin, ça n'a aucun sens. Donc voilà. Et après, moi, j'aime le France. J'aime bien cette chanson, quelque part, parce que ça raconte un truc très fin, très fort, sur, effectivement, ce bateau qu'on a vendu maman, qui était un fleuron de la fierté de chantier français, quoi. Et qu'on a vendu comme ça, crac, voilà. Donc il y a un moment où il arrive, en 3 minutes, à raconter quelque chose, à aborder un sujet social, de société. C'est pas évident. Voilà, une espèce de mélodie. C'est un peu pompier de temps en temps, je suis d'accord, c'est un peu prout-prout. Mais voilà, moi, c'est un truc que moi, j'aime bien. Il y a pas mal de chansons de Sardou que j'aime bien. Alors, c'est un des rares chanteurs que j'essaie d'éviter d'écouter en voiture ou avec n'importe qui. Voilà, c'est un chanteur qui est un peu trop... voilà, moi, je l'avoue, là, c'est des chanteurs que quand ça passe dans mes radios, je chante comme un con au volant et tout. Je zappe quand j'ai des passagers, je m'étale pas comme ça. C'est un peu une confession que tu viens de nous faire ce soir. Un peu, ouais, voilà. Mais bon, après, voilà, bon, c'est... Bon, pareil, il est en retraite, hein, le pauvre. Hein, si, tu vois, pareil, on l'a traité de misogyne. Il fait femme des années 80, qui était un portrait, voilà. À chaque fois, le mec, il fait tout et son contraire. À un moment, il y a un peu de ça, si tu veux. Alors, on va me dire, ouais, on ne sait pas où il se place. Oui, c'est possible, effectivement. Enfin, bon, c'est pas ce qu'on lui demande. Et on en revient, malgré ce que j'ai dit sur Goldman, qui a toujours été très clair dans ses interviews, sans se placer. Goldman n'a jamais dit, enfin, c'est jamais placé politiquement. C'est une ambiance, c'est plutôt des thèmes. Faut surtout pas demander aux chanteurs de leur parler politique, quoi. Soit t'as des chanteurs dont c'est le fond de commerce, dont c'est le métier quelque part, dont c'est le. Tu peux avoir des chanteurs engagés, Ferré, et encore même Ferré sur la fin de sa vie, c'était pas terrible en plus. Mais soit t'as des chanteurs fondamentalement engagés, dont c'est le truc. Soit les chanteurs, c'est des chanteurs, hein, faut arrêter, ils ne représentent pas tout ce qu'ils chantent, quoi. Tu ne demandes pas à De Niro si ça a été un truand. À un moment, c'est ridicule, quoi. C'est pas parce qu'il joue des truands au cinéma qu'il c'est un truand. Et un chanteur, c'est pareil. Mais un chanteur véhicule un message aussi. Enfin, Bertrand, je vais prendre un exemple. Les auteurs-compositeurs. Bertrand Cantat. C'est pas terrible comme exemple. Hein. Oui. Bertrand Cantat disait avant qu'il devienne ce qu'il est, enfin avant qu'il ait tous ses aventures, qu'en tant que chanteur et en tant que personnage public, il avait un haut-parleur et qu'il était extrêmement. Il fallait être vigilant quand tout d'un coup, tu as un haut-parleur, ça veut dire que quand tu vas parler, ta parole va avoir plus de sens, plus d'impact que n'importe qui. Quand Johnny il dit moi je vote Sarko, oui, ça c'est un impact. Moi je m'en fous, il a le droit de voter Sarko, Johnny, hein, fait ce qu'il veut. Le problème c'est que quand Johnny Hallyday, et pas Jean-Philippe Smet, c'est le même, hein, c'est son vrai nom, que Jean-Philippe Smet il vote Sarkozy, c'est une chose, que Johnny Hallyday, avec son aura de chanteur, avec les millions de gens qui le suivent, émette ce truc-là en télévision, oui ça pose problème. C'est-à-dire qu'à un moment, il sort de ce qu'il est censé être. Alors, c'est compliqué parce qu'on me dit, oui, tu peux pas l'empêcher de parler. Bah non, mais est-ce qu'à un moment, il abuse pas de sa parole, quoi ? Alors, évidemment, on va dire qu'il abuse de sa parole quand il est dans le camp adverse, et on va pas le dire quand il est dans ton camp, quand le mec, il va dans le sens où tu vas, quoi. Je pourrais dire la même chose de Kali, qu'on a oublié. Il est mort, non ? Il est encore là, il est pas joyeux, mais il est là. Kali avait fait des meetings pour Ségolène et s'était positionné pour Ségolène Royal. C'est pas son rôle non plus. Voilà. C'est très ambigu le problème des chanteurs. On pose moins la question aux acteurs parce que voilà, mais c'est très ambigu un chanteur effectivement parce que parfois. Enfin voilà, Goldman, voilà, quand il fait venir les chœurs de l'ex-armée rouge sur scène, est-ce que ça a un sens politique ? Est-ce que comment ça peut être pris, etc. C'est difficile. Je pense que Quentin avait raison. Il faut être vigilant quand t'as le haut-parleur, quand tout d'un coup on t'écoute plus que d'autres. Bah faut être vigilant, quoi. C'est un peu une sorte de responsabilité maintenant. Ouais, je pense fondamentalement que t'as une responsabilité qui a toujours été hein, quand on fait des procès aux youtubeurs aujourd'hui quand ils font de la pub avec n'importe qui la responsabilité elle est la même. C'est à partir du moment où t'as une résonance qui dépasse un certain volume, bah tu racontes pas n'importe quoi. Après tu viens pas pleurer si tu prends dans la gueule parce que tu racontes de la merde hein. On a eu nous Gad qui nous avait parlé du bouclier fiscal. J'en ai rien à foutre moi ce qu'il pense de la fiscalité Gad Elmaleh. C'est pas son. J'attends pas là-dessus. Qui s'est fait taper après. Surtout pour raconter de la merde en plus. Voilà après le nombre de je pense à Lars von Trier le réalisateur qui avait fait des dérapages. Alors quand t'es cinéaste aussi parce que des fois tu véhicules des choses avec tes films c'est plus compliqué pareil. T'es plus auteur mais moi je vois plus un chanteur comme un acteur même si parfois il écrit ses textes. Bon, en plus, Sardou n'écrit pas tous ses textes, loin de là. Mais je vois plus un chanteur comme un acteur. La plupart des chanteurs dont je parlais, le côté variété, le côté machin, ça n'empêche pas parfois d'aborder des thèmes. Berger, il a fait des thèmes sur Diego libre dans sa tête. Voilà, c'est une chanson de Michel Berger qui parle des prisonniers en Amérique du Sud à une époque. Voilà, ça n'empêche pas d'aborder les sujets. Après, il faut être vigilant au moment. Donc voilà, donc Sardou, je pense que le procès de Sardou... Bon, d'abord, on en est revenu, mais bon, c'était à mon avis un faux procès sur ça portait pas très très loin. Quoi. Mais ça reste quand même entre guillemets honteux au point que tu le mets dans le. Bah moi oui, parce que mon histoire personnelle fait que je peux pas écouter Sardou n'importe comment. Voilà, ça fait rire. Alors j'ai déjà eu la discussion, hein, y compris avec des potes, très à gauche, voilà, ou en disant mais arrêtez le. Mais là, par contre, ça pose une vraie question. Je reprends le temps des colonies. J'ai écouté un jour le temps des colonies. Où est le premier degré, où est le deuxième degré ? De la même manière que moi, j'arrive pas à écouter des rappeurs. Alors, je sais plus qui avait fait un morceau. Je crois que c'est Orelsan qui a fait un morceau qui s'appelle Sale pute. Tu crois ? Absolument aucune idée. Moi, je peux pas écouter ça. Alors, on va me dire ouais, second degré et tout. Ouais, mais là, j'y arrive pas. Quoi. Donc, moi, j'ai mes limites aussi, quoi. Tu vois, je n'arrive pas à me placer correctement, forcément, sur tout. Quand NTM chante Nique la police. C'est plus ambigu, c'est plus compliqué. Alors ils ont eu un procès, hein, ils ont perdu plus ou moins, je crois, mais voilà, il y a un truc où c'est parfois difficile de se dire ce que tu disais. Pardon, est-ce qu'un chanteur il est au premier degré, au deuxième degré ? Qu'est-ce qui véhicule ? Alors je pense que si, une histoire d'époque. Tu sors les colonies aujourd'hui. Là, je peux dire que la chanson a fait deux jours après terminer. C'est juste pas faisable, quoi. C'est comme quoi, vous voyez, c'est même plus qu'une histoire de chanteur, c'est une histoire d'époque et de moment, quoi. Aujourd'hui, c'est impossible de faire une chanson comme le temps des colonies. Moi, à l'époque, j'ai fait l'Indo, moi, j'avais trois femmes dans mon lit, un boy, c'était bien le bon temps des colonies. Aujourd'hui, même si vraiment t'as un chapeau de clown sur la tête, si tu t'appelles Michael Youn, quoi. Enfin, je raconte n'importe quoi, mais oui. Ou d'emblée, on ne te prend pas au sérieux, quoi. Si t'as un tout petit peu de crédibilité, ce qu'avait Sardou, hein, c'était pas un chanteur rigolo. Si tu fais tourner les serviettes, peut-être que tu peux te raconter ce genre de truc. À mon avis, il se ferait défoncer pareil. D'ailleurs, il se ferait défoncer encore pire. Mais donc voilà, donc c'est plus que donc et finalement, tu vois, pour dire ce que je racontais sur la chanson elle est toujours représentative d'une époque. Donc il est extrêmement intéressant de se demander pourquoi on fait des chansons. Même la chanson grand public, dans les années 60, dans les années 70, qu'est-ce qu'il y a comme chanson ? Qu'est-ce que ça change ? Est-ce que, tu vois, où quand il y a les mecs qui... Paul Naref, il a choqué quand il a chanté « Je voudrais simplement faire l'amour avec toi hein. ». Ça choquait, quoi. Bon, on était en 65. Hein. Pourtant, ouais, en 60, quand même. Bah, mais pas encore, le grand public. Nous, aujourd'hui, on sait que c'est le moment où, mais il y a eu des... ça n'a pas été fait en un coup, quoi. Mais il a choqué à un moment. Alors, il a choqué, elle est passée en radio quand même, si tu veux, mais... Mais les bonnes mœurs disaient « Oh là là, c'est pas bien et tout ». Bon. C'est donc la chanson, elle est toujours représentative. Alors aujourd'hui, c'est plus compliqué parce qu'il n'y a plus de tubes. Il n'y a plus de chansons massivement passées en radio, j'ai l'impression. J'ai plus l'impression, moi... toi, t'as connu les tubes de l'été. On se tapait tous les ans le tube de l'été. 9 fois sur 10, c'était de la merde. 10 fois sur 10, allez. Peut-être parce qu'on n'écoute plus vraiment la radio. Maintenant, on a une écoute à la volée. Tu ressens, toi, le tube de l'été ? Je suis pas sûr, moi. Il n'y a plus de classement. Si, je crois qu'il y a des trucs sur W9 ou je sais pas quoi, mais... Il y a encore des classements, mais ils sont plus à la télé, ils sont sur Internet, ils sont à travers des sites de streaming. Le classement est différent. Je suis pas sûr. J'ai pas l'impression... Enfin, moi, alors, je pose la question à des jeunes, pardon du terme, mais les 15-16 ans. Mais quand les 15-16 ans... 90% de leur écoute, c'est YouTube. Qu'est-ce que tu veux vérifier ? Si, Psy, pour moi, le dernier tube qu'on a eu, c'est Psy. C'est une énième style. Internet. Ça, c'était un tube, comme on l'a eu une époque. Depuis, il n'y a pas de morceaux qui émergent comme ça, parce qu'il n'y a plus... Mais même les radios, j'ai l'impression qu'elles sont un peu délaissées. Les radios, j'entends, plutôt jeunes. Hein. Je pense qu'il y a une... Je ne dis pas que les radios ne sont pas délaissées du tout, mais... Le média se modifie aussi, donc il y a un moment où ça échange. Donc j'ai plus l'impression qu'il y a une possibilité de voir à ce point-là qu'est-ce qui fonctionne et tout. Si on a eu l'autre, le black qui chante là, le Maître Gims, voilà. C'est les derniers mecs qui sont sortis un peu d'une époque. Alors après voilà, ça ne restera rien, mais c'est pas grave. Mais de toute façon toutes les époques, notre ami Walter avait passé un site, faudrait que je trouve, qui te montrait ce qu'étaient les meilleures ventes. Oui, mois par année, mois. Oui. Il y a, mais 90%, on ne se souvient de rien à 90%, quoi. De rien. C'est normal. Voilà, Delflo, et ce qu'il fait, c'est le temps. C'est sur ces paroles de vieux qu'on va terminer cette playlist. Ne le prends pas mal, mais je pense que je suis dans le même mouvement que toi. Tout à fait. Et entre vieux, d'ailleurs. Oui. Tu vas avoir droit à la question subsidiaire. Oh là, oui, vas-y. Ça te fait penser à quoi ce ouhoup ? Ah oh, putain, oui, c'est vrai. Je pense que c'est un espèce d'instrument. C'est peut-être une espèce de percussion un peu bizarre. Non, pas le vrai, ce que ça te fait penser, parce que j'ai eu le droit à des essuie-glaces, j'ai eu le droit à un bruit de MSN. Oh, ah moi c'est des petites choristes. Moi c'est des petites choristes derrière. Whoop, whoop, whoop, whoop, whoop. Donc ce seront pour toi, ce seront des choristes. Des choristes. D'accord. Ouais. Whoop, très bien. Ça me va très bien. Je sais même pas ce que c'est, mais voilà. Je t'expliquerai après. D'accord. Bah, merci Laurent. Bah, d'avoir merci pris beaucoup. Ce temps merci. De... Bah, merci de m'avoir laissé raconter plein de conneries, mais voilà, je suis bavard, ça m'arrive. Et merci à toi d'avoir pris le temps de faire ta playlist, les 10 titres, plus le titre de Lente et cette petite confession à la fin. C'est très gentil. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les internets ? Alors, principalement sur le Broclash, donc le podcast que je fais avec Arnaud Doucet, The Broclash, THEBROCLASH, voilà, où on s'oppose sur des objets culturels variés. C'est moche comme formule objet culturel, peu importe. Sur des œuvres, la dernière c'était The Dark Knight Returns et The Dark Knight Returns Strike Again. Le prochain, ça va être l'été. Je ne sais pas ce qui se trame. On avait fait un spécial Abrahams très long. On pourrait faire un spécial. Je sens qu'on va faire peut-être un spécial autre chose avec un gros morceau cet été. Voilà. Voilà, principalement. Et puis sinon, moi, c'est plutôt sur @LaurentDoucet, le Twitter, où je m'amuse, où je peste contre le football, contre à peu près tout. Voilà. Bon, non, je suis quand même gentil, mais voilà. Mais en ce moment, c'est le foot qui me saoule, mais bon, qu'est-ce que tu veux. Alors, vous écoutez ça, enfin, au moment où vous écouterez ça, je pense que la finale sera passée. Nous, on ne sait pas encore ce qui est gagné entre la France et le Portugal. Moi, je suis à deux doigts de courir dans les rues avec mon drapeau portugais, mais bon, pareil que ça ne se fait pas, je ne sais pas, je comprends pas. Oh, faut essayer. Et toujours pas de Broclash sur de la musique. Alors, ça, eh ben, tu n'es pas le premier à me poser la question. Figure-toi qu'on n'a pas encore réussi à trouver un truc. Soit on n'est pas d'accord, parce que sinon, ce n'est pas intéressant. Après, c'est compliqué à présenter. Est-ce que tu fais tous les morceaux de l'album? Est-ce que tu voilà. Alors après, sur un compositeur, le petit problème, de la même manière, c'est que moi, je fais de la musique, ça m'arrive avec l'apéro du capitaine. Alors c'est pas de la musique, mais ça y ressemble. Hein, voilà. Mais oui, d'ailleurs, essayez d'écouter. On a fait un concert avec l'apéro du capitaine, c'était bien, c'était pas mal. Le problème, c'est que moi, je suis très musicien. Arnaud n'est pas du tout. Donc, je sais pas ce que c'est. Enfin. Faut qu'on trouve un axe, faut que ce soit intéressant. C'est compliqué, voilà. Donc pour l'instant, non, ça se fait pas. Il faudrait qu'on trouve une bonne idée. Alors pourquoi un film musical, tu vas me dire, c'est une bonne idée, sauf qu'Arnaud n'aime pas beaucoup ça, donc voilà. Je sais pas si on va trouver un... Faut qu'on trouve la bonne formule. Mais t'es pas le premier à me demander, on va y travailler, mais voilà. Bon, en tout cas, merci à toi. Merci beaucoup c'est à toi. Très sympathique. Merci, merci. Et puis peut-être à une prochaine playlist, peut-être une playlist pour le broclage, peut-être pour autre chose, je ne sais avec pas. Avec plaisir. On verra dans le futur. À une prochaine. Je proposerai éventuellement peut-être un futur hors-série sur les chansons de Disney, ça pourrait être très sympa. Ouais, très bonne idée. Je valide. Une petite chanson sur il faut tout pour être heureux, enfin, il faut peu pour être heureux, etc. Ça peut être très bien. À mon avis, tu auras du monde au portillon, à mon avis. J'aurai du monde, c'est pour ça que ce sera un hors-série bien bordel. C'est clair. Peut-être pour l'été, tiens, ça pourrait être sympathique. Je vais y réfléchir. Excellente sur idée. Sur ce, bonne soirée. Merci bonne encore soirée, à toi. Bonne soirée. Merci à toi de m'avoir invité pour cette très bonne émission qu'on prend plaisir à écouter, à découvrir des trucs même chelous. Des fois, vous me faites peur. C'est clair. Bon, bah, je vous dis à la prochaine fois. Salut.